vous procure confort et bien-être tout en soulageant vos maux de pieds, de genoux et de dos. Nous utilisons plus de 30 matériaux différents dans la fabrication de nos orthèses plantaires. Que vous soyez un adepte de la marche ou coureur aguerri, nous avons la solution. L'évaluation est sans frais et le coût des orthèses est souvent remboursé par les assurances. La clinique du pied équilibre, ça marche. 683-PIED. Hey, Voc, ils sont rendus à 90 sortes de saucisses différentes. En même temps, dans leur bel étalage de Alphe-Fleur-de-Lys, 10 choix de saucisses à l'agneau, 14 choix de saucisses de gibier, dont la fameuse saucisse au kangourou et celle à l'autruche. Et une foule d'exclusivités, des charcuteries à profusion, une dizaine de variétés de salami, du prosciutto d'Italie, une douzaine de sortes de terrines. Fraîcheur garantie, Voc, le saucissier de Québec ou Alphe-Fleur-de-Lys, 683-1436, Voc. Vous perdez vos cheveux? Vos ongles sont cassants? Eh bien, sachez que ce type de problème est souvent dû à une carence en silice. Pour pallier à ce manque, il existe les capsules Termaire, une formule naturelle constituée d'algues marines, de bambou et de phytoplancton. Tous des éléments riches en oligo-éléments et particulièrement en silice. Alors, pour redonner une vigueur accrue, une grande résistance à vos cheveux et ongles, essayez les capsules Termaire, actuellement 2 pour 1. Boutique Santé Luc Mathieu, 104 Kennedy à Lévis, 833-5933. Vous écoutez une station du groupe Corus Québec. Infovisant Québec. Avertissement. Cette émission n'est pas une consultation, mais un forum de discussion et de témoignage. Comme il s'agit d'une rediffusion de l'émission Mayou à l'écoute, nous vous demandons de ne pas appeler. Société, débat, relations, famille. Mayou à l'écoute. Retrouvons Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Pierre. Madame Janine, oui. Avant qu'on aille dans le sujet du jour, j'aimerais... Avant qu'il vienne plonger. Oui, avant de plonger, j'aimerais passer un petit commentaire sur quelque chose que je trouve absolument criminel. J'ai lu la manchette ce matin où le ministère du Revenu a cotisé les conducteurs de taxi sur des pourboires, sur 15% de pourboires qu'ils auraient possiblement obtenus. Oui, comme on fait, dans le milieu de la coiffure. Janine, ouais. C'est que moi, je ne donnais pas, j'ai jamais donné, peut-être que je suis pas correct, là, mais j'ai jamais donné de pourboire au taxi. Je paye le montant de la course, tout simplement. C'est pas correct, Pierre. Et là. C'est pas correct. Et là, j'apprends que le ministère du Revenu cotise les conducteurs de taxi, les chauffeurs de taxi, sur un 15% de pourboire virtuel. Que certains clients ne donnent pas. Puis d'ailleurs, vous le dites simplement. Il y en a qui ont juste l'argent pour une course, sont pris d'urgence. Alors, ils n'ont pas de pourboire à tous les coups. C'est probable, ça, Pierre. Et alors, ça illustre le fait que parfois, des organismes, des fonctionnaires peuvent se comporter exactement comme la mafia se comportait lorsqu'elle collectait un pourcentage du chiffre d'affaires de certains restaurants ou commerces montréalais il y a un certain nombre d'années. Donc des revenus hypothétiques dans le fond. Des revenus hypothétiques. Ouais. Et là, on cotise d'honnêtes citoyens. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça aberrant. Je trouve ça gênant. Et je trouve ça criminel. Parce que criminel, pourquoi? Parce que c'est volé. C'est volé un honnête citoyen qui travaille dans le trafic, qui travaille le soir, la nuit, qui travaille à toutes sortes d'heures, dans des conditions pas faciles, l'hiver, les chaussées glissantes. Et là, il y a une espèce de crosseur de fonctionnaires, en quelque part, qui décide, de façon arbitraire, nous allons vous établir un chiffre d'affaires à partir de pourboires virtuels que vous auriez possiblement reçu. Oui, oui. Alors que c'est en reconnaissance du service reçu, Pierre. Le pourboire, on met beaucoup de pression, tu sais, ça devient comme obligatoire, on lit des articles, tu sais, si tu veux être bien vu, nana, tu donnes un... Mais il y en a qui n'en donnent pas, puis vous avez tout à fait raison. Mais c'est un comportement mafieux! Ah! C'est criminel! Ça a beau être légal, c'est criminel! Quelque chose peut être légal et être absolument immoral, voire même criminel. T'as pas le droit d'aller détrousser quelqu'un comme ça. C'est un vol! Quand est-ce que le monde va réaliser que toutes ces maudites babelles-là, y a du vol là-dedans? Oui, mais c'est légal, Mayou! Ça peut être légal, mais c'est du vol pareil! En tout cas, ceci étant dit... Ben oui, c'est une reconnaissance. T'es gentil, tu donnes un cadeau à quelqu'un, on n'impose pas les cadeaux. Dans le fond, c'est ça, un pourboire. C'est un cadeau pour service reçu. Bon. Si au moins, le crosseur avait déterminé la quantité de pourboire que le type a eu, OK? Ben là, on peut en discuter. Là, c'est pas ça. De façon arbitraire, il présume que toutes les courses, il y a eu 15% de pourboire. Hey, mais c'est de la mafia! Ah, on va y a-t-il quelqu'un qui a d'autre que moi qui va lever les bras au ciel et qui va dire « Hey, les crosseurs, rentrez dans votre trou! Attache tes chiens quelque part! » La manière de voir les choses d'une autre façon, c'est ça. Pierre, vous parliez de mafia. Oui. La mafia nourrit nos peuples de cocaïne, de crack, etc. Ouais. Alors, on va rester sur notre filon entre les deux sujets, Pierre. Très, très opportuniste, Janine. Je te lève mon chapeau. Alors, voilà. C'était pas prévu. Ben, on parle de mafia. Bon. On va demander... Mafia légale, mafia illégale. On va poser une question. Avez-vous fait déjà confiance à un proche, à un ami, peut-être même à un conjoint-conjoint, qui vous annonçait qu'il avait cessé l'usage de la cocaïne, du crack ou même de l'alcool? Combien de fois vous avez donné une chance à cette personne-là? Combien de fois? On regarde l'histoire de Marc Lafleur, le fils du hockeyeur. Là. Bon, il est affligé du syndrome Gilles de la Tourette. Bon, il est impulsif, il souffre d'irritabilité. Je pense que ça fait partie de sa condition, en tout cas d'après des articles. Il souffrirait. Il souffrirait. On ne l'a pas examiné, là, parce qu'il ne faut pas être accusé de pratiquer illégalement la médecine. Là. Alors, on nous dit ça a été rapporté dans les journaux, c'est ça. Ça a été rapporté. Oui. Bon, oui. Ça a été rapporté, parce qu'autrement, là, il y a une couple de ticlins qui vont dire « Vous avez diagnostiqué en ondes le fils de... » Hey, wow, les ticlins, là. Alors, on nous dit... Bon, en tout cas, comprends-tu? On modifie un peu la formule. Oui, parce c'est qu'il y a ça. Il y a des imbéciles qui nous écoutent, alors il faut en prendre compte. Il y a du bon monde qui nous écoute, mais il y a des idiots aussi. Alors, faut les inclure. Oui? Mais c'est ça. Alors, si on repart des propos, okay, des propos des journalistes, dans les... Bon, c'est ça. Et il y a eu des accusations, puis ça peut monter à plusieurs accusations. Il est actuellement dans un hôpital, mais c'est fermé, là, à Sherbrooke. Et puis, on lui fait un examen psychiatrique. Oui. Correct? Oui. Il a ajouté à son problème un gros problème de cocaïne. On parle même de dépendance là et de crack. Et si jamais il est libéré, je pense qu'il est entendu aujourd'hui ou quelque chose comme ça, ou demain, c'est demain, il pourrait se retrouver dans un centre de désintoxication fermé. À quel endroit? Où est-ce qu'on a dit? Je me souviens pas où est-ce qu'on Trois-Rivières. A dit dans l'article. C'est à Trois-Rivières, ah oui? Oui, ben la région, on est tout près des villes. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. La maison de thérapie, moi ce que j'ai ici, c'est la maison de thérapie. Lorsqu'on a un problème à Montréal, on fait appel à Trois-Rivières. Écoute, je suis habitué. On a toutes sortes de ressources dans Mesquinongé, dans Trois-Rivières. Et il y a beaucoup de personnes de Montréal qui viennent s'y revigorer. Se refaire une santé. Ah oui, alors, bon. Sur ceux qui vomissent sur les régions, faites attention, parce que lorsqu'il y a des gros problèmes, on fait souvent appel à des ressources en région. C'est sûr. Pour des individus, des citoyens montréalais. Et ça, c'est l'ensemble, c'est le portrait global du Québec. Oui. C'est-à-dire qu'il y a autant en milieu urbain qu'il y a en région, et on vit tous ensemble. Et au niveau des ressources... On échange souvent, des services. Oui, puis souvent, au niveau des ressources, il y a des meilleures ressources dans certains domaines qui se sont développées. Ça se peut très bien, Pierre. Par exemple, pour les cas extrêmement sévères de schizophrénie mal contrôlée avec éléments criminels, dans Masquinongé, il y a des ressources extraordinaires, puis qui existent depuis 25, 30 ans, au moins 20, 25 ans. Et là, on ne peut pas dire que vous ne les connaissez pas. Hein? Bon, c'est pas mal sur votre territoire. Ah oui. Mais toujours est-il, Pierre, tu regardes ça, tu dis, il a 22 ans. Il est affligé d'un gros problème, c'est neurologique, ça, le syndrome de Gilles de la Tourette. Mm-hmm. Tu sais, tu dis, on peut lui donner une chance, mais combien de fois des proches vont donner des chances à leur fils, à leur fille, qui deviennent cocaïnomanes pour toutes sortes de raisons? En milieu de travail, il va y avoir des gens qui ont des gros problèmes d'alcool, des gros problèmes de coke, qui sont performants, mais à un moment donné, ça altère leur comportement, ça pose problème. Combien, on essaie, on dit, ah, il va faire une désintox, on va le reprendre, ça dure un certain temps, pour passer au travers, ils y arrivent un certain temps, puis après, ils retombent dans la consommation, parce qu'ils ils sont pas capables de fonctionner, on redonne une deuxième chance, c'est ça. Kelly, j'arrive mal à définir, Pierre, tu fais confiance, t'as connu quelqu'un qui... Avant qu'ils se mettent à prendre la cocaïne, par exemple, puis tu dis c'était pas une mauvaise personne, il était performant, une personne intelligente, il est tombé là-dedans parce qu'il y a une grosse peine, n'importe quoi, on justifie ça. Après ça, il y a la désintoxication, tu te dis, s'il tient le choc, moi je suis prête à le réembaucher n'importe quand, une femme ou un homme va dire, ben je reprends mon conjoint, ma conjointe, parce que ça va bien, j'y donne une chance. Combien de fois on donne des chances à des gens? Est-ce que parfois, ça donne quelque chose? ils finissent par s'en tirer, justement parce que le milieu de travail, les proches, les amis donnent la première chance puis la seconde chance. Y en a-tu qui arrivent à s'en tirer? T'sais, puis à tenir le cap, à ne plus retoucher à ça, sachant qu'ils sont fragiles. J'aime ta question, parce que faire confiance, et c'est interpellant sous cet aspect-là. On peut faire confiance à quelqu'un qui essaie de se sortir d'un problème de drogue, de gambling. Maintenant, je dirais deux mots. Graduel avec prudence. Oui, pour faire confiance. Faire confiance à quelqu'un. OK, qui est désintoxiqué, de façon, la confiance graduelle et avec prudence. Si on agit selon cette petite échelle très simple, on peut donner plusieurs chances à quelqu'un de se réhabiliter. Et compte tenu que c'est un problème épidémique au Québec, je ne sais pas pourquoi, il y a sûrement des raisons, puis on pourrait sûrement remonter à notre suce de caoutchouc d'hier, c'est qu'on élève mal les enfants au Québec. Alors, élevant mal les enfants, on les prédispose à tomber dans les paradis artificiels que sont les pilules et les drogues. Maintenant, ceci étant dit, une fois que l'épidémie s'est bien propagée, on a avantage à essayer de les réhabiliter, parce que si on devient hostile et qu'on développe une inimitié envers les drogués, les ex-drogués, et Janine, on va créer un vacuum sociétal. Mais oui. Parce qu'ils vont être, à un moment donné, ils vont se ramasser majoritaires. Je ris pas, là. C'est une épidémie. Alors, la cocaïne... Il n'y a pas une famille. Puis on pourrait presque affirmer qu'il n'y a pas une famille où il n'y a pas eu des essais. Il y a différentes drogues, là. Une famille. Alors, quand vous dites ça, j'aurais beaucoup, tendance non, à vous croire. C'est-à-dire, il y a les familles où il n'y a pas eu au moins un drogué, c'est rare. Mais drogué, ça dépend de la définition qu'on donne à drogué. Donc, quelqu'un qui a un usage abusif assez régulier. OK, abusif, régulier. Pas récréationnel, là. Oui. Récréatif, c'est-à-dire récréationnel, c'est ce que je dis là. Un usage récréatif. Oui. Bon, une fois de temps en temps, il se ramasse une gang une fois par mois, puis il pote un peu. Ben, écoute, là, si on commence à appeler ça des drogués, là, on n'a pas fini. C'est ça. Alors, drogué, abus et régularité du geste. Répétition. Énormément de monde qui en prennent à tous les jours, plusieurs fois par semaine, et beaucoup, beaucoup de monde qui en prennent du pot, du hache, de la cocaïne, puis des cochonneries comme ça, l'ectasy. Jusqu'à ce que ça... Il y en a de plus en plus. Hey, là, l'ectasy, ça se répand. Oui. L'ectasy, ça se répand. Et jusqu'à ce que ça altère les comportements, puis tu ne reconnais plus la personne. Ouais, ben ça, là... Ouais, là, le crack, ça, c'est buzzant, là. Puis ils deviennent dangereux au crack. Parce que ça fait effet vite, puis là, ils recherchent. Comme l'effet ne dure pas longtemps, ben là, ils répètent, puis ça coûte cher, détournent des fonds. Oui. Alors, Pierre, on va poser la question tout de suite. Est-ce que vous, combien de fois vous avez fait confiance à quelqu'un de votre entourage, au travail, maison, etc., qui était accroché à la coke, au crack ou à l'alcool? Combien de fois vous lui avez donné des chances? 790-0224-1-800-667-5241. Êtes-vous incommodé par vos bouffées de chaleur? Si vous êtes une femme ménopausée souffrant d'épisodes de bouffées de chaleur modérées à sévères, vous pourriez participer à une étude clinique pour un médicament de recherche non hormonal pour soulager les symptômes associés à la ménopause. Pour plus d'informations, contactez nos infirmières au 951-0001, 951-0001. Pour plus d'informations, contactez nos infirmières au 951-0001, 951-0001. Info 800. Toute l'info que vous voulez, quand vous la voulez. Tous les faits marquants de la circulation avec Gaby Drolet. En semaine à la 6e, 26e et 46e minute de l'heure. Édition matin et édition sport. Supplément d'informations sur circulationquebec.com. La circulation, une présentation de Capital Bandag. Le nom à retenir pour vos pneus 4 saisons. 6250 Boulevard Amel, 871-1471. Rabais instantané à capitalbandag.com. Info 800 veut connaître votre meilleure anecdote de pêche. Pour célébrer l'arrivée de la belle saison, nous avons préparé un assortiment de cadeaux pour la pêche valeur de 500 $ offert par la boutique Passion Chasse et Pêche de Beauport. Racontez-nous votre meilleure histoire de pêche sur la page concours à info800.ca. Équipez-vous pour la pêche grâce à Info 800 et la boutique Passion Chasse et Pêche de Beauport. Avec tout achat de 75 $, on vous donne une canne à pêche gratuite valeur de 40 $. Passion Chasse et Pêche, les vrais experts. 415 Clémenceau à Beauport. dès le 12 mai 8 heures. Les 7 Canadian Tire de la région vous invitent à ne pas manquer. Pouce vert à Info 800. Notre expert Patrice Bélanger vous donnera une foule de conseils et les meilleurs trucs pour entretenir vos végétaux. Préparez vos questions. Pouce vert, une présentation des 7 Canadian Tire de la région qui vous offre cette semaine le chariot de jardin JobMate avec porte-outils intégrée, rabais de 40% à $34.99. Pouce vert, la seule émission radiophonique sur l'horticulture à Québec tous les samedis dès le 12 mai 8 heures à Info 800. Je commence avec toi. Info 800. Météo. Météo. Aujourd'hui, c'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec un minimum de 0. Jeudi, ensoleillé avec un maximum de 13. Vendredi, samedi et dimanche, du soleil avec un maximum de 14 pour vendredi et un maximum de 15 pour samedi. Et un maximum de 16 degrés pour dimanche. Les nouvelles. Une présentation de Oricom Internet, qui a aussi une grosse nouvelle pour vous. Le téléphone IP pour seulement $14.95 par mois. Économisons en cliquant sur oricom.ca. Info 800. Québec. Bienvenue dans la zone nouvelle d'Info 800. Info 800. Information. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici André Pou, il est 13h15 et le mercure indique 12 degrés. Un enfant sur deux au Québec n'est pas en sécurité lors de ses déplacements en voiture. Même si les enfants sont installés dans de bons sièges d'auto, il n'en demeure pas moins que dans 54% des cas, le siège est mal fixé et où l'enfant est mal attaché au siège d'auto. Selon Joanne Saint-Cyr de la SAAC, un siège d'auto bien utilisé peut réduire jusqu'à 70% la probabilité de décès ou d'être blessé gravement. L'Association canadienne des chefs de pompiers demande au gouvernement fédéral d'investir 40 millions de dollars pour la formation et l'acquisition d'équipements de pompiers appelés à intervenir lors d'incidents radioactifs, chimiques, biologiques ou nucléaires. Le deuxième vice-président de l'association, Richard Amnott de Québec, explique que le rôle du pompier s'est élargi depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Le pompier a un rôle à jouer en matière de protection de la population, d'intervention en cas de sinistre majeur ou d'intervention en cas d'acte terroriste. Donc, l'objectif de ce fonds-là qui est demandé de la part du gouvernement fédéral, c'est de venir en aide directement au service d'incendie, d'être mieux équipé et mieux formé pour pouvoir intervenir. Et les funérailles de Jean-Benoît Beaulieu, qui est mort la semaine dernière à cause d'un coup de poing qu'un camarade d'école lui a appliqué à la tête, seront célébrées cet après-midi à 14h en l'église de Saint-Simon. Et la route 276 en Beauce est maintenant rouverte à la circulation. C'est ce qui complète nos informations à Info 800, station du groupe Corus Québec. Prochain bulletin, 13h45. Info 800, la radio AM des nouvelles et des sports à Québec. Info 800, une station du groupe Corus Québec. Comme il s'agit d'une rediffusion de l'émission Mayou à l'écoute, nous vous demandons de ne pas appeler. À quelqu'un qui essaie de se désintoxiquer de la cocaïne, de l'alcool, du crack, etc., est-ce que vous lui feriez confiance? Hein? Il essaie, lui feriez-vous confiance? Combien de temps? Combien de fois? Combien de rechutes accepteriez-vous? Ce sont toutes des bonnes questions. Et on n'a pas le choix que de s'interroger là-dessus, compte tenu du côté épidémique de cette problématique-là d'utilisation et d'abus de drogue. Ça ne donne rien de se mettre la tête dans le sable. Non, on ne le fera pas. Non. On va à Éric tout de suite. Bonjour, Éric. Bonjour, ça va bien? Bonjour, Éric. On vous écoute. Bonjour, M. Mayou. Bonjour, Mme Ross. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est vous donner un exemple. Je suis un ex-héroïnomane. Oui. Qui est aujourd'hui désintoxifié depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire que je suis sobre. Oui. Je vous dirais que vous parlez de faire confiance, donner des chances. Moi, mes parents m'ont donné ma chance. La raison pour laquelle ils me l'ont donné, c'est qu'ils ont vu que je voulais m'en sortir par moi-même parce que j'étais rendu, que j'avais touché au fond du bac. Ça n'a pas été facile. Je vous dirais que même encore aujourd'hui, la confiance n'est pas tout à fait là après 2 ans et demi. C'est bon que vous ameniez ce point-là. Ça m'était amené à plusieurs reprises, ça. Il y a des personnes qui venaient me voir et qui se plaignaient que leur entourage tardait à leur faire confiance. C'est c'est qu'on les a tellement trompés, qu'on les a tellement monté un bateau que, en quelque part, ils se disent, est-ce que le comportement est encore là? Moi, pourquoi la confiance est revenue, c'est que j'ai montré que je voulais m'en sortir oui. en allant à des thérapies, des oui. alcooliques anonymes. J'ai fait une thérapie de environ un mois de temps enfermée à la maisonnée de Laval. Oui. Et j'ai prouvé que je voulais m'en sortir. Puis encore aujourd'hui, je démontre que je fais ce qu'il faut pour ne pas retomber. Et c'est pourquoi j'ai... Attendez un peu, allez pas trop vite. Attendez un peu, allez pas trop vite. C'est bon, ça. Je fais ce qu'il faut pour ne pas retomber. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Ça peut servir à beaucoup, hein? Mais... Ça peut servir à bien des gens qui vous écoutent, Eric. Ben, c'est-à-dire, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'une dépendance, on l'a pour toute notre vie. Ce qu'on peut faire avec, c'est nous qui décident, est-ce que je vais recommencer ou est-ce que je vais faire ce qu'il faut pour ne pas reconsommer. Ce que je peux dire par là, c'est de limiter. Oui. J'entends par là alcoolique anonyme, narcotique anonyme, oui. il y en a plusieurs, choisissez celui qui vous convient. Oui. Moi, j'ai un suivi avec la maisonnée auquel j'ai été pendant oui. un an de temps. Oui. Quand ça va pas, j'ai des numéros de téléphone à appeler pour dire, regarde, là, ça va pas, j'ai goût de reconsommer, aide-moi, fais quelque chose avant oui. que je le fasse. N'importe quand, est-ce que c'est 24 heures sur 24, ça, Eric? C'est 24 heures sur 24, effectivement. Et, ben, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon parrain que j'ai avec les alcooliques anonymes. Oui. Je sais très bien que je peux l'appeler n'importe quand puis lui dire, regarde, ça va pas, aide-moi, je peux-tu te parler? Mm-hmm. C'est de trouver les ressources pour ne pas retomber. Et c'est comme ça que je suis parvenu à gagner la confiance de mes parents et de mon entourage. Mm-hmm. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de... Okay. Alors, j'ai tout noté ça, là. J'ai tout noté ça parce que c'est important. Alors, meeting, suivi... Suivi après des intox avec un intervenant. C'est juste de pas ensuite, contact, système de parrainage. Est-ce qu'il y a d'autres... Lorsque vous dites « je fais ce qu'il faut pour ne pas retomber », est-ce qu'il y a d'autres éléments? Ben, pas d'autres... vraiment. Il y a mes parents aussi, ma copine. Bon, l'entourage. L'entourage, c'est important d'en parler puis de dire « ça va pas aujourd'hui, j'aurais le goût de retourner consommer ». Parce qu'un craving, c'est ce qu'on appelle un craving, va durer environ une demi-heure. Traduisez ça, là. Qu'est-ce que c'est qu'un craving? Un craving, c'est d'avoir l'envie de retourner consommer. D'avoir une faim forte. Exactement. Une poussée forte d'aller se droguer. Exact. Puis les experts okay. vont dire que ça dure environ une demi-heure de temps. Donc, non, laissez faire les experts, mais vous êtes un expert là-dedans. Ben, alors, le craving dure combien de temps pour vous? Pardon? Le craving, pour vous, dure combien de temps? Ben, ça peut durer une bonne demi-heure. Je ne laisse pas durer. Okay. Quand ça arrive, ben, oui. il faut chercher les ressources nécessaires. J'en parle à mes parents, j'en parle à mon frère, j'appelle mon parrain, j'ai dit ça va pas, j'ai besoin d'aide. Puis ça passe. Mais quelle sorte d'aide qu'ils vous donnent à ce moment-là? Tout simplement de l'appui. Alors, l'écoute. Juste l'appui, le fait de pouvoir en parler, ça fait déjà du bien? Exact. Bon. Si vraiment ça va pas, ben, il va dire, ben, viens, on s'en va prendre un café, on va aller faire quelque chose, on va jaser. Mais une activité. Si c'est une petite activité peut faire passer le craving de drogue. Bon, non, mais c'est important ça, Eric. C'est de se changer les idées. Comme moi, je joue beaucoup au hockey. Entourage, se distraire. Je fais du rollerblade, je joue à la balle. Activité physique. Exact. Exact, parce que durant le temps que je consommais, tout ça, là, c'était mis de côté. Je ne faisais plus de sport, je n'avais plus d'activité sociale. Puis tout ça, c'est revenu au fur et à mesure, puis on reprend goût à la vie. On s'est câline pendant tout le temps que je consommais, c'est ça que j'ai raté. Oui. Mm-hmm. En tout cas, dans mon cas, moi, c'est comme ça. C'est combien d'années? Pour tout le monde. Combien d'années, ça fait Eric? 2 ans et demi que je suis ça. Oui, mais avant, combien de temps vous aviez été sur l'héroïne? J'ai de l'âge de 17 ans, allé jusqu'à 22 ans. 17 à 22. Ça commence à quelque chose, hein? Oui. Ouais. C'est pas facile. C'était pas injecté, c'était fumé, mais la dépendance est la même. Donc. Pierre, donc, c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. Ouais. C'est très clair. C'est très clair. Ah oui. Très beau témoignage pour partir l'après-midi, mon ami. 2 ans et demi qui tient. Il tient le choc depuis 2 ans et demi. Fait excellent. On peut commencer à en parler, hein? Oui, oui. Oui. Puis, un petit volet en terminant. Maintenant, à quel pourcentage de restauration de confiance seriez-vous rendu avec votre entourage? Même après 2 ans et demi, je vous dirais que c'est pas à 100% encore. Non, je le sais. Vous le cotez à peu près sur une échelle de 0 à 100. 75% de confiance regagnée. Ouais. OK, c'est correct. Puis votre conjointe actuelle ou votre blonde, je sais pas si vous vivez avec elle. Oui. Oui, c'est ça. Est-ce qu'elle était là au moment où vous avez décidé d'arrêter ou si vous l'avez rencontrée après? Non, je l'ai rencontrée après, mais elle est au courant de tout mon passé. Wow. Parce que ouais. je jugeais ça important de lui en faire part avant de commencer une relation pour qu'on soit sur des bases solides. Oui, fait que dans son cas, à elle, c'est plus que 75%, là, parce qu'elle a pas vécu... À elle, c'est 100%. Hein? Elle, elle me fait confiance à 100% parce qu'elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu avant. Donc, avec vos parents, là, puis c'est ça. Vos parents, ça, c'est une autre histoire. Oui. Merci beaucoup, Eric. Ça fait plaisir. Merci. Merci, au revoir. Alors, on continue. Est-ce qu'on a le temps d'amorcer un autre appel? On y va. Ben, oui, Pierre. Ah, oui. Je ne sais pas quel âge avait-il là-dessus. 24 ans, Pierre. Un jeune homme de 24. Okay. Oui. Ben, c'est vrai, de 17 à 22, ça fait 2 ans et demi. Oui. Il y a 24 et demi. Excuse-moi. Alors, on parle à Michel. Bonjour, Michel. Bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour, M. Bayou. On vous écoute. Bon, ben, moi, dans mon passé, j'ai eu des problèmes. J'étais dans une maison de thérapie, puis tout ça. Quand elle fait confiance, c'est avec le temps. Ça, la confiance, elle se gagne avec le temps. C'est tout le temps qui prouve les fautes. Mm-hmm. Bien beau, ça fait 6 mois, 2 ans, 5 ans. C'est avec le temps, des actions, des actes qu'on pose. Comme moi, je veux dire, j'ai fait ma thérapie, j'ai entrepris aussi mon cours à l'université. Oui. Ceux qui ont des problèmes d'alcool puis de drogue. Mm-hmm. Puis je travaille. Puis je m'occupe d'esprit. OK. Vous avez quel âge, Michel? 44 ans. 44. Et à quoi vous droguiez, vous? La coke. La cocaïne? Et ça joue. Pendant combien de temps? Une quinzaine d'années. Oh, 15 ans. Est-ce que ça vous rendait dysfonctionnel, la cocaïne? Hein, oui. Oui. De quelle façon ça vous rendait dysfonctionnel? Manque au travail, manque à. Certaines obligations. Oui. C'est financier, Oui. Ça vous coûtait combien par semaine, la poudre? Ça dépendait du revenu avant. Des fois, ça pouvait être 300, des fois 600, 700, 800. Par semaine? Ouais. Et vous travailliez, mais vous, à un moment donné, vous n'entriez pas au travail, puis vous n'étiez pas fiable là, pour le travail? Non, je n'étais pas fiable. Mais pour trouver votre argent, des gros montants comme ça, qu'est-ce que vous faisiez, vous? Vous soutiriez à vos proches? J'avais un très bon revenu de temps. Oui? Oui. Dans quelle sphère de travail? J'étais dans le coin de Longueuil, chez Pratt-Whitney. Oh boy, ouais. OK. Donc, c'est important? Oui. C'est un revenu de 70 000 par année. Oui. Fait que vous pouviez vous payer la cocaïne, c'est ça, là? Oui. S'envoler les autres, puis tout. Mais qui a été le plus dupé dans votre entourage, Michel? Tu sais, vous dites reconstruire la confiance, ça prend du temps auprès de ceux qui te donnent une chance, puis deux chances. Qui a été le plus massacré là, par vos comportements? Ben, c'est moi. C'est vous, oui, évidemment. Mais autour de vous, quand on parle de confiance qu'on aurait pu vous donner, vous, tu sais, je te donne ma confiance. Point de vue à ma mère, c'est un de mes frères qui a été beaucoup déçu. Expliquez-vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là, vous l'avez beaucoup déçu? Ben, mon frère, ben, il avait une bonne confiance envers moi quand j'étais plus jeune, non? Oui. Quand il n'y avait pas de problème de drague. Puis aujourd'hui, la confiance, je trouve plus d'avoir du tout. Là. J'ai plus de contact avec. Michel, sans vouloir être trop pointé une entreprise plutôt qu'une autre, d'après vous, est-ce que vous étiez le seul dans votre entreprise qui se poudrait à la cocaïne? Là-bas à Longueuil, non. Okay. Ils ont un programme d'aide aux employés. Ils m'ont fait suivre. Okay. Mais dans ce temps-là, j'étais pas prêt. Vous savez, il est important de se dire que la drogue, c'est pas juste pour les restants de société puis les traîneux de rue. Mais non. Alors, la cocaïne, c'est une drogue de luxe, n'est-ce pas? On est d'accord là-dessus? Oui. C'est une drogue pour les hauts salariés. Ben oui. Alors, vous étiez un gros salarié, 70 000, là, ça commence à faire tout qu'un salaire. Vous étiez un technicien spécialisé, quelque chose comme ça? Ou un corps? J'étais à l'inspection. OK. Final. Oui, c'est... Non, vous avez une bonne responsabilité. Il faut voir si que tout a été bien fait. Ouais. Donc, vous aviez les compétences. Est-ce que cette drogue-là affectait votre qualité professionnelle au travail? Pas vraiment, parce qu'au travail, j'en ai jamais pris. Ça donne. Ah, OK. Et quand je finissais de travailler? C'est-à-dire? Mettons, si mon fils finissait à 3h30, à 4h, j'étais sur l'influence de la côte. Oui. Ça pouvait durer toute la nuit, mais le lendemain matin, je suis sûr que je n'étais pas là. Bon, c'est ça. Ah, OK. C'est Alors, ça. Si vous en preniez plusieurs heures, évidemment, vous n'étiez pas capable de dormir? C'est ça. Ah, parce que la cocaïne... Est-ce que vous mangez? Avez-vous maigri, vous, dans ces années-là? Étiez-vous raide-maigre ou... Moi, j'ai... la première thérapie que j'ai faite, j'étais à 115 livres. Bon, okay. Attendez un peu, parce qu'il y a des auditeurs qui ne savent pas ça. Là. OK, on va s'arrêter ici. Oui, oui. Là. On va continuer avec Michel. Oui. Ce samedi, le manoir et cours de l'Atrium vous ouvre ses portes. Découvrez cet environnement paisible. Votre confort, notre priorité. Porte ouverte au manoir et cours de l'Atrium ce samedi de 13 à 16 heures au 502 boulevard de l'Atrium, Charlebourg. 626-6060. Saviez-vous qu'en plus de vendre, de louer ou d'acheter rapidement, le 688-1950 des petites annonces du Journal de Québec pourrait vous faire gagner un voyage d'une semaine à Disney avec votre famille? Oui, vous avez bien entendu, une semaine à Disney avec votre famille lorsque vous utilisez le numéro des petites annonces du Journal de Québec, le 688-1950. En plus, vous pouvez gagner à chaque semaine de nombreux prix. Le 688-1950 pour vendre ou acheter rapidement. Et qui sait, pour aller à Disney, tous les détails dans le Journal de Québec. Dis-moi que c'est pas vrai que Guillaume Latendresse écoute Céline Dion. C'est ce qu'on nous a dit. C'est dans une entrevue. Céline Dion, il aime aussi. Il a fait venir le coffret de Linda Lemay, donc il met son linge en sécheuse, puis ta. Il écoute ça, c'est une note. Écoute, notre homme est un sensible. C'est pas un viril. Pourtant, ça brase un coin de bande, me disait. Mais dans le fond, c'est un sensible. OK. Non, mais tant mieux, tu sais, Guillaume est sensible. Zone sportive d'Info 800. En semaine, dès 16h. Dès le 12 mai, 8h, les 7 Canadian Tire de la région vous invitent à ne pas manquer Pouce Vert à Info 800. Notre expert Patrice Bélanger vous donnera une foule de conseils et les meilleurs trucs pour entretenir vos végétaux. Réparez vos questions. Une présentation des 7 Canadian Tire de la région qui vous offre cette semaine les cisailles ou élagueurs Fiskars à 9,99 $ au lieu de 19,99 $ et les outils de jardinage Yardworks à partir de 9,99 $. Pouce Vert, la seule émission radiophonique sur l'horticulture à Québec, tous les samedis dès le 12 mai, 8h, à Info 800. Je commence avec toi. Dans un entrepôt de 200 000 pieds carrés. Tous vos produits sont disponibles immédiatement, livrés rapidement et gratuitement partout. Tout ça, c'est possible. Parce que vous êtes chez Tanguay. Et parce que vous êtes chez Tanguay, voici l'offre la plus spectaculaire de toute l'industrie du sommeil. Écoutez bien, sur tous nos matelas sans exception, nous payons les deux taxes et vous payez en 50 versements. Tout ça, c'est possible. Parce que vous êtes chez Tanguay. Vos articulations crient douleur, courir, marcher et même bouger vous fait souffrir, alors vos pieds pourraient bien en être la cause. Ici Marcel Bouchard. Vous me connaissez, je suis actif et j'en demande beaucoup à mon corps. Je porte les orthèses équilibres depuis plusieurs années déjà et je peux vous assurer qu'elles ont réglé bien des bobos. Conçues par ordinateur, elles bénéficient d'une technologie d'avant-garde unique et brevetée. La consultation est gratuite et le coût des orthèses est souvent remboursé par les assurances. Prenez soin de vous. La clinique du pied équilibre, ça marche. 683 pieds. Avis important. Ce qui suit est produit et réalisé par des professionnels. Toute tentative d'imitation ou de reproduction pourrait conduire à de graves accidents de parcours. Le tir, balle frappée en direction du Canzano, l'arrêt court et jongle l'instant! Le relais premier! Il est sauvé! Essayez d'écouter le AM. Les remparts de Québec l'emportent 6-2 et sont les champions de la Coupe Memorial! Les meilleurs gars de sport sont ici, au AM. Moi, je suis pas gêné d'écouter le AM. Depuis 50 ans, en toute confiance à Québec, c'est Silencieux Gosselin. Trois adresses pour l'entretien de votre véhicule. Avec Silencieux Gosselin Plus sur le boulevard Sainte-Anne à Bois-Châtel, tout y passe. Freins, amortisseurs, batteries, anti-rouille, pneus et alignement. Pour un examen gratuit de votre silencieux, vous pouvez passer au 537 boulevard Langelier ou au 1530 boulevard Central à Place du Vallon. Quel que soit le type de véhicule, rendez-vous à l'une des trois succursales Silencieux Gosselin. Service rapide et personnalisé. Ratio qualité-prix imbattable. Silencieux Gosselin recommandé CAA. Depuis 50 ans, Déménagement Rapide s'occupe de tout, garantit tout à un meilleur prix. Sans oublier notre fameux système d'entreposage des plus économiques. Déménagement Rapide, 1-866-666-6030. Info 800. Une station du groupe Corus Québec. La radio AM. Les nouvelles et les sports à Québec. Vous écoutez Mayou à l'écoute en rediffusion. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas appeler. À quelqu'un qui essaie de se désintoxiquer de la cocaïne, de l'alcool, du crack, etc., combien de fois vous lui donneriez une chance? OK, c'est notre question. Puis on parle d'expérience vécue. 790-0224-1800-667-5241. On poursuit avec Michel. Michel, vous nous avez dit que dans les périodes où vous avez pris de la cocaïne, vous êtes descendu jusqu'à 115 livres. Puis c'est là qu'on en était tantôt, là. Pierre, vous avez accroché à ça. Écoute. 115 livres à 5 pieds 9. C'est pas gros, ça. C'est ça, pas gros. Ça, c'est dans le milieu des années 90. Eh boy, vous étiez cachectique, Michel. Ouais. Red, tout. Maigre. Très maigre, c'est... Ouais. 5 pieds 9, 115 livres, là. Écoutez, 10 livres de moins, puis vous perdez connaissance. Vous n'êtes plus capable de marcher sur la rue, vous allez perdre connaissance. C'est ce que je me suis rendu. J'ai fait faillite, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu ma famille. Le monde, il devait avoir peur. Lorsqu'il vous regardait à 115 livres, 5 pieds 9, vous aviez l'air d'un mort vivant. Oui, j'étais à vert. Ah oui. Aujourd'hui, j'étais à 160 livres. Oui. Puis j'ai la moitié du revenu que j'avais dans le temps. Oui. Je suis mon cours à l'université, je suis bien heureux. Mm. Puis qu'est-ce que les autres pensent de moi, c'est pas important, c'est que c'est moi qu'est-ce que je pense de moi qui prime, là. Mm. Puis, Michel, vous avez une intelligence certaine, vous avez eu le temps de réfléchir, 44 ans. Oui. Comment se fait-il que vous êtes drogué à la cocaïne? La grande question. La grande question? Oui. C'est... Il y a plusieurs raisons. Allez-y. On va vous écouter. Oh mon Dieu, j'espère que vous avez honte. La grande journée. Non, énumérer les raisons. Ouais. Parce que moi, quand j'étais petit, j'ai eu des problèmes de... Comment vous dire ça? Ben, je bégaye. Premièrement, je bégaye un peu aujourd'hui. Parce que moi, depuis que j'étais. Oui. Des problèmes de communication. Ouais, de bégaiement, oui. Ouais. Non, il n'y a pas de ça. Mes sentiments, mes émotions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bégayent et ça ne donne pas la poudre. Vous avez Paul Desmarais, il y a un trouble de langage. Il bégaye un petit peu, puis ce type-là, à ce que je sache, c'est jamais poudré. Mais peut-être que Michel le vivait mal. En tout cas, il identifie ça comme un élément. Allez-y, plusieurs raisons. Mm-hmm. Problème de bégaiement quand vous étiez jeune, à part ça, continuez à énumérer la liste. Je me suis senti comme à part des autres, rejeté. Puis dans ma famille, la communication, il se trouve pas de m'avoir. Lâchez-moi la communication. Soyez un petit peu plus précis, Michel, s'il vous plaît. 44 ans, nombreuses thérapies. Arrivez-nous avec un petit peu de bouillon un peu plus élaboré, là. Plus précis. Voilà, c'est pas vraiment... Alors, vous avez été rejeté, vous vous êtes senti rejeté, pas parce qu'il y avait une mauvaise communication dans la famille, mon œil. Non. Alors, arrivez avec quelque chose d'un peu moins livresque. OK. Mais c'est ça, tout ça senti tout seul, part des autres. Oui. Sur une famille de combien de frères et sœurs? J'ai deux frères. Deux frères. Puis des parents qui étaient présents, qui étaient là? Mon père est mort, j'avais 6 ans. Oui. OK, bon. Ma femme, ma mère, c'est une femme soumise. Oui, votre femme était soumise. Oui, on a compris. On a compris le lapsus. Vous venez de faire un beau lapsus à la Jean Charest. Ma femme était soumise, oui. On voit une manifestation édipienne à n'en point douter. Et votre mère était comment? C'est une femme soumise qui disait pas un mot qui... Michel, c'était pas votre conjointe d'une femme soumise. Elle... Soumise à qui? C'était la petite. Oui. Elle avait quoi de pas correct, votre mère, envers vous? C'est qu'elle disait jamais rien. Elle disait jamais un mot. C'est une femme qui était... qui était des précises. Michel, qu'est-ce qu'elle avait de pas correct envers vous, votre mère? C'est qu'elle parlait pas. Il n'y a pas moyen de discuter avec, elle ne disait pas un mot. Elle dit tout à beau, tout à correct, puis c'est... Soyez plus précis. Il y a beaucoup de monde qui ne parle pas, les chiens ne parlent pas, les chiennes ne parlent pas, puis ils s'occupent de leurs petits, de leur progéniture, de façon exemplaire. On n'a pas besoin de langage pour élever un enfant. Alors, qu'est-ce que votre mère n'avait pas que vous aviez besoin? C'est de parler. Il a fait des thérapies avant ça, l'animal. Ah, mais il y a un minimum, non? Est-ce que le minimum était là? Non, l'affection, je comprends. C'est pas ça. Qu'est-ce que votre mère ne faisait pas avec vous? Qu'elle aurait dû faire? Ben, montrer un peu de tendresse. Un petit peu de tendresse, un peu d'affection. C'est un frigidaire, cibole. Parce qu'entre nous trois... C'est un cube de glace. Un cube de glace. Oh, merci! Bon. Là, vous venez de dire quelque chose. Elle était de plus petite taille. Un cube de glace plutôt qu'un frigidaire. Non, c'est un cube de glace. Là, on comprend. Parce que tous les êtres humains ont besoin... La plupart des êtres humains ont un besoin viscéral de chaleur, d'affection, de tendresse, de bisous, de câlins. Pas de parler! Mais un minimum, Pierre! Pas de parler! Ils ont besoin des bisous et des câlins, comme Janine quand elle arrive chez elle le soir. Elle n'a pas besoin de parler. Elle a parlé de la journée. Elle a besoin de bisous et de câlins. Mais il a fallu que quelqu'un me parle. Mais tu sais, tu dis, Michel, sa mère a fait sa job, elle lui a montré le français. Comprenez-vous, elle a suffisamment parlé pour qu'il puisse s'exprimer, mais le fond, la tendresse, l'affection n'y était pas. Le problème n'était pas là, c'est un cube de glace. C'est ça. Bon, c'est ça. Hein? Je vois une caresse de ma mère, pour ses mains des feux, mais jamais. Oui, puis vous berçez. Quand vous étiez bébé, votre mère, est-ce qu'elle vous berçait? Est-ce qu'elle berçait bébé? Ou ça a été trop glaçant pour faire ça? Moi, je ne me rappelle pas. Il y a un paquet de femmes au Québec qui ne bercent même pas leur bébé. Janine! Hey, écoute, va falloir. Et pourtant, la nature crie fort. C'est quand un bébé s'époumonne, il pleure, là. Tu peux pas faire autre. Il faut que tu ailles le chercher. Ça devient, tu sais, c'est à la limite. La nature fait que. Elle ouvre bien grand les bras pour ça. Tous les bébés, aujourd'hui, là, en ce 7 mars 2007, tous les bébés du Québec qui n'auront même pas été bercés dans les garderies de Pauline Marois, c'est affligeant. Ils ne seront pas bercés. La bonne femme, elle n'aura pas le temps. La génitrice, là, elle n'aura pas le temps à soir de le bercer. Le bébé, il n'a pas été bercé de la journée. Il ne sera pas bercé à soir. Mais tu te replaces de ça comment? C'est tous des futurs consommateurs de drogue. Les bébés de, les bébés de garderie de Pauline Marois. Les bébés, pas les jeunes de 3 à 5 ans. Ça les fragilise pour la drogue. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous pensez de l'idiotie que je viens de dire, Michel? Ben là, ça dépend du monde. Moi, c'est le même que je l'ai pris, moi. Je me suis senti rejeté à la bande. Je veux dire, pas de câlin, pas de caresse, rien, ben puis pas de mots d'encouragement. Oui, exact. C'est ma mère, c'est une femme qui s'exprime pas. C'est une femme qui dit rien, qui bouge. Michel, arrêtez de lui trouver des excuses. Je vous dis qu'il y a des sourds et des muets qui font des très bons parents. Lâchez-moi le langage. Ouais. Bon. Michel, lâchez pas, continuez. Gardez le cap, s'il vous plaît. C'est bon? Bye, bon. Bye. Bye. Vos prothèses dentaires sont usées, vous n'osez plus sourire, ça marche mal. Attendez plus. Voyez cet expert qui est Daniel Fauché, denturologiste, qui pourra redonner fière allure à votre sourire grâce à des techniques modernes, un changement qui se fait sans ennui, et les amis seront épatés de vos nouvelles dents. Daniel Fauché, denturologiste, 527-6449, 527-6449. Osez montrer vos dents. La Dodge Caravan 2007, toujours la minivan la plus vendue au pays. Gosselin vous l'offre à partir de seulement 299$ par mois, zéro comptant, zéro dépôt de sécurité. C'est pas tout. Gosselin vous offre en plus de rouler sans frais pendant 3 mois. On vous paye les 3 premiers paiements, votre essence, jusqu'à 500$ et l'entretien. C'est le meilleur moment pour vous la procurer. Vous préférez l'acheter? Le taux de financement est à 0% jusqu'à 60 mois. C'est Gosselin à Saint-Nicolas. Nos vendeurs ne sont pas payés à la commission. 1279 Marie-Victorin, gosselinauto.com. Découvrez l'ultime performance de croissance ProMix. De notre collection, ProMix Ultra Terreau pour Bac vous aide à cultiver des fleurs resplendissantes. Et ce, avec 50% moins d'arrosage et sans la corvée de fertiliser. Essayez le tout nouveau ProMix pour pelouse avec mycorhize. Pour une pelouse écologique et ultra résistante. Ici René Hudon pour Harmonia, la nouvelle alternative en matière funéraire. Si vous n'avez pas encore souscrit un préarrangement ou vous souhaitez reconsidérer celui que vous avez déjà conclu, Harmonia vous propose le préarrangement crématiste qui privilégie la crémation sans exposition, sans achat de cercueil. Pour recevoir gratuitement le guide Harmonia des nouvelles alternatives en matière funéraire, composez maintenant le 681-9797. Harmonia, la mémoire vivante, d'abord et avant tout. Hey, Vought, ils sont rendus à 90 sortes de saucisses différentes. En même temps, dans leur bel étalage des Halles Fleur-de-Lys, 10 choix de saucisses à l'agneau, 14 choix de saucisses de gibier, dont la fameuse saucisse au kangourou et celle à l'autruche. Et une foule d'exclusivités, des charcuteries à profusion, une dizaine de variétés de salami, du prosciutto d'Italie, une douzaine de sortes de terrines. Fraîcheur garantie. Voc, le saucissier de Québec, Walfleur de Lys, 683-1436, Voc. Du 1er au 18 mai 2008, 16 pays réunis, les meilleurs joueurs de hockey au monde, réunis ici, du jamais vu à Québec. Le championnat mondial de hockey masculin 2008. La Chambre de commerce de Québec offre à la population et la communauté d'affaires de Québec la possibilité d'acheter les 1000 meilleures paires de billets pour la série de 30 matchs qui se tiendra au Colisée Pepsi. Information, réservation, 691-7211, en semaine de 7h à 18h, ou sur billettech.com. Info 800. Météo. Météo. Aujourd'hui, c'est une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec un minimum 0. Jeudi, vendredi, et samedi et dimanche, c'est ensoleillé avec un maximum de 13 pour jeudi, un maximum de 14 pour vendredi, un maximum de 15 degrés pour samedi et un maximum de 16 degrés pour dimanche. Info 800, Québec. Bienvenue dans la zone nouvelle d'Info 800. Info 800. Information. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici André Proulx. Il est 13h47 et le mercure indique 12 degrés. Un enfant sur deux au Québec n'est pas en sécurité lors de ses déplacements en voiture. Même si les enfants sont installés dans de bons sièges d'auto, ils n'en demeurent pas moins que dans 54 % des cas, le siège est mal fixé à la banquette du véhicule ou l'enfant est mal attaché au siège d'auto. Selon Joanne Saint-Cyr de la Société de l'assurance automobile du Québec, un siège d'auto bien utilisé peut réduire jusqu'à 70 % la probabilité de décès ou d'être blessé gravement. Chaque année, au Québec, près de 1300 jeunes enfants de 9 ans et moins meurent ou sont blessés lorsqu'ils sont passagers d'un véhicule routier. En 2006, 7 enfants sont décédés, 59 ont été blessés grièvement, 1192 blessés légèrement pour un total de 1258 victimes. Les funérailles de Jean-Benoît Beaulieu, qui est mort la semaine dernière à cause d'un coup de poing qu'un camarade d'école lui a appliqué à la tête, seront célébrées cet après-midi à 14h en l'église Saint-Simon. La Sûreté du Québec enquête sur un décès survenu au cours de la nuit dans les cellules du poste de police de Québec. Un homme de 48 ans qui était en état d'ébriété sur la voie publique a été arrêté et incarcéré hier en fin de journée. Au début de la nuit, l'homme a été retrouvé inanimé dans sa cellule, comme l'explique Anne Mathieu de la Sûreté du Québec. Et en début de nuit, lors d'une ronde habituelle, les agents se sont aperçus que l'individu ne répondait plus, ne répondait à aucune directive quelconque. Donc, on vérifie, il était bon, inanimé, sans vie. Il y a eu des manœuvres de réanimation qui ont été tentées. L'individu était conduit au centre hospitalier Saint-François-d'Assise à Québec, où le décès est constaté. La programmation des activités qui marqueront l'inauguration officielle de la route verte cet été a été présentée à bord du traversier Québec-Lévis aujourd'hui. L'aménagement de l'itinéraire cyclable de 4000 km a duré 12 ans. Des cérémonies officielles accompagnées de randonnées et de fêtes populaires se dérouleront dans 25 villes du Québec. Le 10 août, le domaine de Mézeray sera le théâtre d'un grand rendez-vous cyclotouristique avec l'arrivée de 2000 participants au Grand Tour et un regroupement de clubs cyclistes de la région de Québec. La remise des gros bacs pour la ville de Québec se fera dans le secteur de Beauport au cours des 4 prochaines années. Ces bacs de récupération roulant sont distribués aux résidents et aux immeubles de 12 logements et moins. La ville de Québec en a acheté 120 000 au coût de 6 millions de dollars. La dépense sera répartie sur les comptes de taxes durant 3 ans. La ville a noté une augmentation de la récupération de 38 % avec ces gros contenants équivalents à 5 bacs bleus. L'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics réclame 77 millions de dollars par année pour les 25 prochaines années. L'AQRP a lancé ce matin une pétition pour demander au gouvernement Charest l'indexation des retraites du secteur public qui ont été gelées de 1982 à 1999. Et la route 276 entre Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Joseph-des-Érables est maintenant rouverte à la circulation. Elle était fermée depuis lundi en raison de la crue des eaux de la rivière Chaudière. C'est ce qui complète nos informations à Info 800, station du groupe Corus Québec. Prochain bulletin, 14h15. Vous écoutez une station du groupe Corus Québec. Info 800, Québec. Vous écoutez Mayou à l'écoute en rediffusion. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas appeler. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a fait une désintoxication, vous lui donnez une chance, désintoxication de la coke, qu'est-ce que c'est, de crack, l'alcool. Combien de fois vous lui donneriez une deuxième, troisième chance? 7900224 1-800-667-5241. Et combien de fois on vous a donné une chance? Puis avez-vous été capable de vous en sortir parce qu'on vous a donné une chance? Alors, on va à Manon. Bonjour, Manon. Bonjour. Bonjour, Manon. Bonjour. Moi, j'appelle pour faire un témoignage par rapport à mon père. Oui. Mon père a été alcoolique. Ben, il se considère encore alcoolique, mais sobre depuis plusieurs années. Puis, attends un peu, je comprends pas, là. Pourquoi vous dites qu'il se considère encore alcoolique? Parce que lui pense que c'est une maladie et qu'il faut qu'il deal avec le restant de ses jours. Ah, oh, dans ce sens-là. Simplement pour ça. Ah oui, oui, oui. Il a déjà été alcoolique sévère. Oui, il est sobre depuis? Ça fait un bon 25 ans. OK. Et il ne retouche pas à l'alcool parce que il a peur de planter dedans solide. C'est ça que vous nous dites? C'est ça que je dois comprendre? Oui, c'est OK. Continuez. OK, maintenant, c'est ça. Moi... Il a probablement raison. On ne l'ostinera pas là-dessus, votre père. Là. Oh, c'est ça. Il a ses raisons. Moi, ce que je veux simplement dire aujourd'hui, c'est que quand il a frappé son bas-fond à lui, ce qui lui appartient, je pense que c'est quand ma mère lui a arrêté de lui donner des chances. Et que même moi et ma soeur, on manifestait que, wow, ça n'a pas d'allure, cette vie-là. Donc, pour lui, ça a été, je pense, un point marquant quand il a arrêté d'avoir des chances. Bon point. Pour certains cas, faut pas généraliser. C'est ça. Mais pour certains cas, c'est pour ça que le mouvement à l'anon, là, j'ai beaucoup d'hésitation. J'ai énormément de respect pour les alcooliques anonymes et très peu pour le mouvement à l'anon. Parce que dans bien des cas, le mouvement à l'anon, la participation à ce mouvement-là peut faire en sorte, pour les raisons que vous venez de dire, que l'alcoolique continue à boire parce qu'il est compris. Puis on l'endure. On l'endure. On vous donne, des moyens à ceux qui sont proches de continuer de vivre sans planter eux, alors que l'autre continue de consommer toutes sortes de... Exact. Alors, il y a quelque chose d'un peu à faire attention. À faire attention, je dis bien. OK. Ensuite de ça, justement, à l'annon, on me l'avait proposé, mais moi, j'ai rien voulu savoir de ça. Puis, je suis allée voir un de ses témoignages quand il a pris un gâteau, quand ça fait 17 ans. Oui. J'étais vraiment fière de lui parce que il n'a pas été présent quand nous, on était enfants. Maintenant, il est rendu grand-papa et... Un mouton, là. Il fait un très bon grand-papa. Mais? Alors là... Mais, chut, j'aurais aimé l'avoir comme père, comme il est là. Merci, bien dit. Voilà. Bien dit, le mouton aura été c'est utile. C'est ça. Ah, je le sais, le mouton, à chaque fois que j'en parle, je sais que c'est ben ça. Ben oui, c'est vous. Et aussi, je lui ai dit, tu sais, je suis fière de voir que tu as arrêté de bière, de boire, tout ça. Ça me permet de voir le temps. Mais ça aurait pu être pour nous. C'est ça. C'est ça. Et cette carence-là est toujours présente en vous. Qui avait quel âge, Manon? Moi, 38 ans. À 38 ans, la carence est encore aussi vive? Oui. Ouais. Sauf que, comme on dit, j'ai fait mon ménage personnel du mieux que j'ai pu. J'ai fait de la thérapie, tout ce que vous voudrez. Ensuite, comment je pourrais vous dire? Là, je profite du temps que j'ai avec lui, comme il est maintenant. Manon. Vous profitez de lui comme il est maintenant. Oui. Est-ce que ça répare les torts qu'il vous a causés? Je ne sais pas si ça peut, tout peut se réparer, mais je pense qu'on finit par pardonner. Manon? Oui? Le pardon est l'enfant pauvre de la réflexion, disait Manon Lépine. Ah, d'accord. Ben, je peux vous dire que j'ai eu de la colère et beaucoup de peine pour certains événements qui se sont passés, ça, c'est sûr. Il y a des affaires qui sont comme inconcevables. J'en ai pris des brosses, moi. Et puis, il me semble qu'il y a un jugement qui serait là, qu'il n'y a pas eu lieu. Ça, c'est rough. Ouais. Quand tu deviens parent, c'est là que tu trouves ça encore plus rough de regarder ton passé. Ouais. Oui. Oui. La question, sa conduite actuelle répare-t-elle les torts qu'elle vous a causés? Bonne question, non. C'est je pense que je répare mes torts. Alors là, le pardon, là, on comprend-tu que le pardon, on va l'évacuer par le canal anal? Dans le camp, tu sais, c'est dans le camp de Manon. Là, c'est elle qui est obligée de faire la part des choses. Puis on va arrêter de se leurrer avec le pardon? Oui. Peux-tu mais pas? En même temps, je me dis... Ouais, je suis contente qu'il ait fait le move d'arrêter. Non, mais Manon, le problème, là, reste entier. Comment on va faire pour réparer les torts que l'alcoolique vous a causés lorsque vous étiez jeune? Il l'a dit, ça se répare pas. Non, je regrette ma... Ah, Janine, non, je partage pas, là. Pour une fois, ça devrait... Qu'est-il arrivé de ton enthousiasme débordant, chère Janine? Non, mais c'est ce qu'elle nous a dit. Ah, mais je le prends pas. Ah, mais je le prends pas. Non, c'est ce que vous avez dit quand Pierre vous a posé il y a deux minutes. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Mais je le prends pas. Je suis pas d'accord. Vous êtes pas d'accord? Oh non. Ah, ben là, vous me... Un instant. Je t'étonne. Allez, Manon. Allez, Manon. Tout ne se répare pas. Cependant, ce que j'ai comme enfance, je me suis relevée, puis je fais de quoi de bon avec ma vie, puis je suis contente de ma vie. Oui. Je vous dis pas que c'est toujours facile, mais j'avance. Manon, je continue. Y aurait-il lieu de réparer certains torts? Et si oui, comment? Sûrement pas auprès de lui. Oui, c'est ça. Pour Manon, pas auprès de lui. Ah, pas tout. Puis même vos enfants, là, je serais prudent. Vous savez, les réformés, je suis toujours un petit peu méfiant. Mm-hmm. Est-ce qu'il y en a qui pourraient nous appeler pour nous dire, Pierre Maillot, vous avez raison. Pardon? Que voulez-vous dire par méfiant les réformés? Les réformés, c'est un éduqué réformé, puis il est bien fin, puis tatata. Mais! Vous avez déjà pris les brosses et il y a des affaires que vous n'avez pas faites. Vous savez ça à quoi je réfère. Clarifiez ça. Il ne peut pas excuser ses comportements sous l'ombrelle de l'alcoolisme. Tout à fait. Donc, le bonhomme, il dimanche une coupe de petites vis dans un autre département. Oui. Pour s'être rendu jusqu'à l'alcoolisme aussi. Non, rien à voir. On sort de l'alcoolisme. Les vices sont. Les vices. Écoute, Manon l'a déjà dit, John a pris des brosses, je faisais pas n'importe quoi. Manon, Janine, t'as déjà pris des brosses, tu faisais pas n'importe quoi, puis tu disais pas n'importe quoi. Tu perds pas la carte, c'est sûr. Bon, regardons ça. Bon. Tu perds pas la carte au point de plus savoir ce que tu fais. Alors, les alcooliques, ils ont une chose en commun. Hey, tout va tomber sous le parapluie, tu sais, de la brosse. C'est pour ça qu'avec vos enfants, votre enthousiasme concernant son grand paternage, là, j'irai un peu mollo avec ça. T'es trop, c'est pas qu'il va mollo, c'est que j'apprécie comment il est maintenant. Ouais. Puis c'est bien sûr que s'il avait continué à boire... Vous appréciez quoi au juste, là? Allez-y donc, Guérin. Vous appréciez quoi au juste de son grand paternage, là? Ben, il m'écoute. Maintenant, il est capable d'être à l'écoute, ce qu'il n'était pas capable avant. Attendez. OK, Manon, avez-vous deux minutes? Je pense que vous avez mis le pied sur quelque chose. Êtes-vous capable? On fait la pause, puis on continue avec vous pour clore ça, là, parce que je pense qu'il y a un volet qui vient d'ouvrir. Toing! Ici Alexandra Paré. Du lundi au vendredi dès 9h30, c'est le grand bulletin d'Info 800. Nouvelles, reportages, sports, chroniques affaires, météo. Vous saurez tout ce qui se passe dans la grande région de Québec. Le grand bulletin dès 9h30 à Info 800. Du 1er au 18 mai 2008, 16 pays réunis. Les meilleurs joueurs de hockey au monde réunis ici. Du jamais vu à Québec. Le championnat mondial de hockey masculin 2008. La Chambre de commerce de Québec offre à la population et la communauté d'affaires de Québec la possibilité d'acheter les 1000 meilleures paires de billets pour la série de 30 matchs qui se tiendra au Colisée Pepsi. Opération dans 1000. 691-7211, en semaine de 7h à 18h ou sur billettech.com. On s'entend. Faire ces préarrangements funéraires, c'est rarement agréable. J'ai quand même décidé de les préparer maintenant, pour que mes choix soient respectés et surtout pour ceux que j'aime. Ils n'auront pas à se casser la tête avec ça. Qui j'ai appelé? L'équipe de Claude Marcoux. Dans le respect, la confidentialité et la sérénité, les professionnels de Claude Marcoux savent vous orienter vers les choix qui vous conviennent. Ils vous offrent l'information, l'aide psychologique et le suivi légal nécessaire à votre démarche. 839-8823, www.claudemarcoux.com. Kia Lévis vous offre ce qu'il y a de mieux. Osez comparer. L'économique Rio de Kia à partir de seulement $155 par mois, location 60 mois. C'est déjà très bien, mais on vous en offre plus. 3 mensualités gratuites à la location. Ça, c'est mieux. C'est Kia Lévis. Surprenez la route avec Kia. Kia Lévis, boulevard de la Rive-Sud. Kia, c'est où? Kia, c'est quoi? Boulevard de la Rive-Sud, Lévis. Si les vésicules du zona ont disparu, mais que la douleur persiste, vous n'êtes pas seul. La douleur peut être de type pulsatile, fulgurante, en coup de poignard, continue, ou donner une sensation de brûlure. Des médecins de votre région étudient un médicament expérimental et recherchent des volontaires qui éprouvent des douleurs au moins 3 mois après la guérison des vésicules du zona. Pour savoir si vous pouvez nous aider, appelez le 658-0008. Le 658-0008. Quand on a l'ASP, on espère. Chaque jour, avant d'ouvrir les yeux, on espère. On espère être encore capable de voir. On espère être encore capable de marcher. Encore au moins une journée. La sclérose en plaques sans avertissement peut attaquer n'importe laquelle de vos capacités. Avec votre appui, la Société canadienne de la sclérose en plaques espère en finir avec la maladie. Aidez-nous au 1-800-268-7582 ou à scléroseenplaques.ca. Où il y a de l'appui, il y a de l'espoir. Actualité locale, nationale, internationale, financière et sportive. FO800.ca, le site Internet des nouvelles et des sports à Québec. La question du jour, météo, circulation, showbiz, concours. Concours. Info800.ca. Devenez membre du club VIP. Info800.ca. Le site Internet des nouvelles et des sports à Québec. Chaque samedi dès 9h, Talbot Olivier Côté et associé gestion de patrimoine vous aide à planifier votre réussite financière. Préparez-vous à nous poser la question qui vous préoccupe, celle que vous n'osez pas poser à votre banquier ou conseiller. Nous sommes là pour vous répondre. Cette semaine, préparez vos questions et appelez pendant l'émission. Nous répondrons à vos interrogations financières. Une présentation de Talbot Olivier Côté et associé gestion de patrimoine qui est parrainé en partie par Fonds Dynamique qui vous offre son compte d'épargne placement de la Banque Dundee du Canada à 3,85% actuellement. 871-6663. Depuis 50 ans, Déménagement Rapide s'occupe de tout, garantit tout à un meilleur prix. Sans oublier notre fameux système d'entreposage des plus économiques. Déménagement Rapide, 1-866-666-6030. Info 800, la radio AM des nouvelles et des sports à Québec. Info 800, une station du groupe Corus Québec. Comme il s'agit d'une rediffusion de l'émission Mayou à l'écoute, nous vous demandons de ne pas appeler. Avec quelqu'un dans votre entourage qui essaie de se désintoxiquer, qui en est à sa première tentative, deuxième, troisième, cocaïne, alcool, là, tout ça, est-ce que vous feriez confiance? Et combien de fois on peut faire confiance malgré des rechutes? C'est notre sujet aujourd'hui, 790-0224, 1-800-667-5241. Manon et Pierre. Pierre, Manon, vous avez dit que votre père aujourd'hui avait de l'écoute et Pierre a dit « Oui ». Bon. Alors maintenant, c'est ça que je vais dire, c'est que j'ai réalisé que mon père a pris son rôle de père quand j'avais autour de 20 ans. Ça veut dire que ça faisait un bon 4 ans qu'il ne buvait plus. Fait qu'il était capable d'être, pour moi, il était capable d'être à l'écoute, ce qu'il n'était pas capable avant. J'ai vu des changements profonds. Il était capable d'être calme et à l'écoute, sans jugement, aïe aïe, sans pogner les nerfs, aïe aïe. C'était plus le même homme. Ensuite de ça, un peu plus tard, simplement, c'était pas suffisant parce que Laissez faire, continuer. Okay. Parlez-nous de son grand paternage. Vous dites qu'il fait un très bon grand-papa. OK. Alors, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, là. OK. Ensuite de ça, il a accepté de prendre le risque de s'engager. Avant, il vivait ni joie ni peine, il vivait rien. Il pensait qu'il était comme... je sais pas, au-dessus de tout ça, pas d'émotion. Mais je dis, t'es pas c'est pas plus sage que le Dalai Lama ou je sais pas quoi là qui pense qu'ils contrôlent tout. C'est que tu ne te donnes pas accès ni à la peine ni à la joie. Fait que c'est ton choix. Tu peux rester de même, mais tu vis rien. Fait que ça m'a pas à croire qu'il n'y a rien qui te touche. C'est juste que tu te mets un mur. Fait que quand je l'ai brassé un peu par rapport à ça, il est allé consulter par la suite. Puis c'est là qu'il a réalisé que ouais, il n'y avait pas de lien affectif avec personne avant mais, ça, vraiment. Mais non. Oui. Vous avez dit qu'il fait un très bon grand-papa. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Écoute, je dis pas que c'est le meilleur grand-papa au monde. Ça, je pourrais pas dire ça. Je sais pas c'est quoi un meilleur grand-papa. Ben là, je vous écoute, puis... OK. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est capable d'être présent. Quand les enfants sont là, quand on est là, il est à l'écoute. Il nous regarde, il joue avec les enfants. Avant, il était tout le temps parti, pas là. Là, il est présent, il est à l'écoute, il est capable de s'amuser. Manon? Oui? Ce que vous venez de décrire, vous êtes en train de nous dire que votre père est une très bonne grand-mère. On continue, celle-là. On continue. Oh, bon, ça vous sonne des cloches? Bye, Manon. Manon. On va s'arrêter là. Bonjour. OK. Bye. Bye. Bon, ça, j'avais pas prévu celle-là. Bon, OK. Est-ce que la grand-mère est encore dans le décor? Elle a pas largué. J'ai pas cru comprendre ça, là, dans l'intervention de Manon. Je pense que c'était assez pour cet après-midi pour elle. OK. Alors, on continue. Les hommes qui se déguisent en nourrice, là, c'est plein. Et ça devient une illusion et une illusion confondante. As-tu vu comme c'était tout mêlé? Ben, il y avait énormément d'émotions qui remontaient, en tout cas. Non, mais c'est une réparation. C'est tout mêlé. Ah oui. C'est tout mêlé. Il faut faire attention aux alcooliques réformés. Parce qu'ils deviennent, dans certains cas, des artistes illusionnistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Pierre vient de dire? À nos auditeurs auditrices qui s'en sont sortis, qu'est-ce que vous pensez de ce que Pierre vient de lancer? Bon. Alors, on va tout de suite parler à Anne. Non, ça peut être intéressant, Pierre. Ça peut être très intéressant, cet aspect-là. Ça n'a jamais été soulevé. Tu dis, oui, je suis resté un menteur. Moi, je l'ai déjà entendu, là. Je suis resté un menteur. Mais je suis resté quelqu'un qui manipule. Je ne bois plus, mais j'ai ce fond-là. Bon, en tout cas, alors... T'as-tu senti quelque chose de... Ou rattraper... À faire attention. Alors, Elle se nourrit, elle ne va pas s'alimenter à d'autres crèches, croyant qu'elle s'alimente à une bonne crèche. Alors, à Manon, je dirais, elle aurait peut-être avantage à s'approcher d'hommes d'un certain âge qui ont de l'allure. Alors, on va à Anne maintenant. Bonjour, Anne. Bonjour. Bonjour, Anne. Moi, j'appelle, puis justement, le dernier bout que vous venez de parler, je trouve que ça me concerne énormément. Moi, je suis toxicomane. Oui. J'ai 37 ans. Oui. J'ai 3 enfants, dont 10, 15 et 18 ans. Oui. Qui ont subi ma toxicomanie. Oui. Depuis combien d'années, Anne? Je dirais depuis 10 ans. Depuis? Ça a été 10 ans, là, je peux dire, là... Avec le dernier accouchement? Oui. Vous avez accouché, est-ce que vous vous droguiez avant le dernier accouchement ou après? Avant, pendant la grossesse, puis après. OK. Dernier seulement. Avant, pendant la grossesse, et après. Oui. Et Anne, c'est important de le dire, c'est de plus en plus fréquent, les femmes qui se droguent, les femmes enceintes qui se droguent. Et vous, c'était quoi? C'était pot ou cocaïne? Oui, c'est du pot. Oui. Puis non, j'ai pas été sa cocaïne, comme vous disiez, c'est d'une drogue pour le monde qui a de l'argent. c'est la drogue des riches. Ouais, mais c'est moi, la luxure, la poudre. Riche, mais la poudre, on regarde ça pour nos ministres. J'étais aussi droguée, par contre, je pense que juste mon portefeuille qui pouvait pas suivre, là. Qu'est-ce que vous preniez? C'était du pot ou du hashish? Oui, c'était les deux. Les deux. Alors, vous le preniez dans sa forme concentrée? Oui. Et ça, de quoi valait le... Combien pesait le bébé à la naissance? Il était petit, il pesait 6 livres. Ouais. Ouais. Et vos deux autres pesaient combien avant? Il n'était pas beaucoup plus gros, là, mais il était en meilleure santé. Ouais. Les deux autres, le premier pesait combien? 6 et 7. Oui. Et l'autre aussi, 6 et 5. Oui. Ouais. Après, un petit peu plus gros. Et votre troisième, lui, 6 livres pile. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pas en bonne... Il n'était pas en santé, là. Non, puis aujourd'hui, ben, il souffre de troubles d'hyperactivité. Oui. Concentration, il est replié sur soi. Oui. Très faible estime de lui-même. Oui. Est-ce qu'il y a des troubles de motricité fine? Oui. Oui. Troupe de motricité fine, que... Ben oui, tous les découpages, tout bricolage, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de difficultés. C'est exactement ça. Hein. On est bien barré avec le dernier, hein? Oui. Le cannabis, ça claque? On assume aujourd'hui, là, je vois beaucoup de réponses. Ben là, vous assumez, pauvre vous. C'est pas vous qui assumez. C'est non, pas vous qui l'avez. Oui, mais c'est... Là, vous assumez, j'assume. Pardon? J'essaie quand même de l'aider. Ben là, j'essaie de l'aider. Pauvre lui, il est pas capable de visser, il est pas capable de cogner un clou. Mais il est rendu à 10 ans, puis il est pas capable de rentrer un clou avec un marteau. Mais il y a une chose, Anne, vous êtes pas encore sortie de ça, là. Vous êtes pas capable. Hey, j'assume. Anne, est-ce que c'est ça qu'on a compris? Ouais, c'est ça. Oui. Attendez un peu, une chose elle à la fois. Elle n'a pas terminé, là. Pierre. Les distorsions cognitives, là, on arrête ça. Alors, j'assume, non. C'est pas vous qui l'avez. Alors, ouais. Vous pouvez pas assumer le trouble neurologique de votre garçon, n'est-ce non. pas? OK. Non, ça, c'est juste ça, là, on va s'entendre. Parce que moi, je suis pas une valise, puis il y a des affaires qui passent pas. Alors, continuez. Je veux peut-être juste dire que je fais face, là. Je suis pas dans l'illusion à me dire. Et que... correct. Parfait. Ça, c'est bien dit. Mais on peut pas assumer le problème de l'autre. L'autre, lui-là, là, il a toute sa vie à vivre, là, poqué par le cannabis. Continuez. Oui. Puis mon fils, en plus, il avait ses deux parents qui consommaient. Son père également. S'il vous plaît, laissez faire la consommation. Ses deux parents se droguaient. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. Bon, merci. Puis moi, qu'est-ce qui me touche dans ce que vous disiez au dernier témoignage, c'est les artistes illusionnistes et réformés... Moi, je pense que je fais partie de cette catégorie-là. Ben là, on va être honnête, hein, au moins après-midi. Quand j'ai arrêté de consommer, je pensais que je pourrais faire... Quand j'ai arrêté de me droguer. Oui, parce que moi aussi, je consomme, mais je me suis jamais drogué. Non, OK. Je suis un consommateur. J'achète toutes sortes de biens. Quand j'ai arrêté de me droguer, c'est sûr que je croyais qu'on avait le droit à une chance, puis que tout redeviendrait bien correct, puis qu'il n'y aurait pas d'impact. Puis aujourd'hui, je sais bien que même si je consomme pas, j'ai tous les comportements d'une bonne toxicomane. C'est-à-dire? Mentir, fuir, nier, rester dans l'illusion beaucoup, là. Mais oui. L'étiez-vous avant? C'est une bonne question, ça, Janine, j'aime ça. Ouais. J'aime ça, cette question-là. Mais l'étiez-vous avant, Anne? Parce que vous avez commencé à vous droguer à 27 ans, c'est ça? Oui. Avant, est-ce que vous étiez... De façon régulière, là. De façon régulière, c'est ça. Mais avant ça, c'était pas régulier puis abusif. Non, non. Mentir, fuir, puis nier, est-ce que vous le faisiez naturellement? Avant ça, je le faisais dans d'autres choses. OK. Je le faisais dans d'autres substances, comme tu disais, dans d'autres consommations, que ce soit le magasinage, que ce soit... Je me suis toujours sentie très compulsive, très émotive. Mais l'extrême... Anne, en quoi consistait le mensonge dans le magasinage? En quoi ça consistait le mensonge? Oui, parce que je comprends pas, là. Je me créais des besoins. Soyez concrets. Donnez-nous des exemples concrets. Oui, par exemple, je pouvais aller en ville, moi, parce que je disais que j'allais faire de l'épicerie, puis je pouvais revenir avec un paquet d'affaires pour la maison qui n'avait rien à voir avec l'épicerie, là. Mm-hmm. Ah, vous mentiez sur vos sorties? Non, je me mentais sur qu'est-ce que j'avais vraiment besoin. Ah. À elle-même, d'abord. Eh bien. Ouais. Tu sais, là, j'étais continuellement un vide. Est-ce qu'il vous arrivait de voler à l'étalage? Plus jeune, oui. C'était comme avant de tomber dans drogue, là, c'était... Arrêtez donc, on est en train de faire toute une liste d'épiceries, hein? Vol à l'étalage. Combien de fois, à peu près, vous avez volé à l'étalage en tout et partout dans votre vie? Peut-être 3-4 fois, là, mais... 3-4 fois? Maintenant, vers l'adolescence. Mais je trouve que c'est tous des comportements qui m'emmenaient tranquillement pas vite. Mm-hmm. Aller vers la fuite plus grosse là, qui est dans... Ah non, c'est pas drogue. Ces comportements-là. S'il y avait des raisons qui sous-tendaient ces comportements-là. Je trouve vraiment que l'alcoolique ou que ça... Non, laissez faire, là. Vous, laissez faire les autres. Il n'y a pas deux pareils. OK. Là-dessus, vous pouvez me croire. Alors, vous, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a emmené au vol à l'étalage, à la drogue? Qu'est-ce qui vous a emmené là? Peut-être... On va s'arrêter là. OK, vous allez continuer à réfléchir. On vous revient, vous direz à Pierre tout de suite après. C'est correct? Ici Luc Mathieu. Ça fait plusieurs années déjà que j'œuvre dans le domaine de la santé naturelle, que j'essaie de sensibiliser les gens à acquérir de meilleures habitudes de vie et d'utiliser des suppléments alimentaires. Je suis très heureux de mon choix de carrière, particulièrement ces derniers temps où je remarque une augmentation marquée de la popularité des produits naturels. Que de plaisir à entendre des gens me témoigner d'une amélioration de leur santé suite à un de mes conseils. Mais ce qui a généré le plus de témoignages favorables et dans certains cas assez incroyables, c'est suite à la prise de glucosamine liquide de marque Flexoflex. Voilà un supplément qui a certes contribué à augmenter la confiance des gens envers les traitements naturels. En plus de ces nombreux témoignages, nous avons aujourd'hui plusieurs preuves scientifiques de l'efficacité de la glucosamine. Un petit rappel, la glucosamine est une substance présente naturellement dans l'organisme qui aide à la fabrication et à l'entretien des cartilages articulaires. Le corps humain en fabrique, mais au cours de notre vie, sa production diminue graduellement, ce qui engendre des problèmes de dégénération et d'effritement du cartilage. Une façon de compenser cette diminution est aussi de prévenir et de prendre un supplément de glucosamine, idéalement sous forme liquide, où l'on remarque une efficacité encore plus grande. En résumé, la glucosamine est reconnue cliniquement pour soulager les symptômes de l'ostéoarthrite, maintenir et régénérer le cartilage, diminuer les douleurs, réduire l'inflammation, améliorer la souplesse, favoriser la mobilité et prévenir et réparer les blessures articulaires. Croyez-moi, Flexoflex agit là où ça fait mal. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je vous annonce que notre produit vedette, la glucosamine liquide de Flexoflex, est en grande promotion 2 pour 1. Boutique Santé Luc Mathieu, 104 Route Président Kennedy à Lévis. Vitabio Naturel aux Promenades Beauport. Commande postale acceptée 833-5933, 1-877-833-5933. Info 800. Météo. Météo. Aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Ce soir et cette nuit, ça reste dégagé avec un minimum de 0. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est ensoleillé. Maximum de 13 degrés pour jeudi, maximum de 14 pour vendredi, 15 pour samedi et un maximum de 16 degrés pour dimanche. Les nouvelles, une présentation de la Clinique du pied Équilibre. Consultation gratuite, expertise incluse. 683 pieds. Info 800. Québec. Bienvenue dans la zone nouvelle d'Info 800. Info 800. Information. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici André Pou. Il est 14h18 et le mercure indique 12 degrés. À Saint-Jean-Chrysostome, les pompiers ont évacué une entreprise spécialisée en éclairage située au 1009 de la rue du Parc industriel. Il y a eu un déversement de produits qui reste à déterminer. Un employé a été incommodé par ce produit. Incendie de 3 alarmes ce matin chez Fixauto de la rue Watt dans le Parc industriel de Sainte-Foy. Le feu a pris naissance vers 9h dans une chambre de peinture. Moins d'une heure plus tard, les pompiers de Québec prenaient le contrôle de l'incendie. Il est trop tôt pour évaluer l'étendue des dommages. Un autre événement spectaculaire organisé par Red Bull pourrait se tenir à Québec en 2008 si la mairesse accepte de collaborer. Les organisateurs du Red Bull Air Race, une course de slalom dans le ciel, seraient intéressés à présenter l'événement à Québec dans le cadre du 400e. La candidature de la capitale a été soumise par l'entreprise Nemex de Québec. La 12e édition du cocktail bénéfice de la société Alzheimer de Québec a été un succès. Un sommet record de 81 000 $ a été amassé grâce à la mise aux enchères, entre autres, du chandail du hockeyeur Sidney Crosby. La société d'Alzheimer de Québec dessert aussi le territoire de Portneuf à Charlevoix. Et le centre du carrefour giratoire de l'avenue Honoré-Mercier est prêt à recevoir la fontaine de Tourny, le montage de la trentaine de pièces du monument de 7 mètres de hauteur demandera 1500 heures. C'est ce qui complète nos informations à Info 800, une station du groupe Corus Québec. Prochain bulletin de nouvelles, 14h45. Info 800. Une station du groupe Corus Québec. La radio AM. Les nouvelles des sports à Québec. Vous écoutez Mayou à l'écoute en rediffusion. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas appeler. OK, alors on continue. On continue avec Anne, c'est ça? Oui. Bon. Oui. Et Pierre, la dernière question, là. Où est-ce qu'on en était? Vous aviez posé une question. Qu'est-ce moi, qui vous a amené à... Moi, au vol à l'étalage, à mentir, à fuir, la source à des choses, des illusions. Ben moi, une des réponses que je me suis donnée, oui. que j'en viens, c'était mon mal de vivre. Je pense que... j'ai toujours la difficulté entre même le choix de vouloir vivre. On va, c'est le mal de l'âme, c'est en dedans, c'est un vide. Anne. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le choix de vivre? Ben, je pense que quand en dedans, t'es pas bien, peu importe ce qui se passe autour de toi, il faut de la motivation pour... Avez-vous déjà eu des idées d'en finir? Ben oui. À quel âge, la première fois? Je pense que j'avais 12 ans. Racontez. Ben, j'ai fait à quelques reprises des tentatives de suicide, mais à 12 ans, la première fois que j'ai parti de chez mes parents pour me retrouver en famille d'accueil. Ça, c'était des événements. Il y a eu des événements qui m'ont amené à par moment vouloir me suicider. Mais pour dire que j'ai passé à l'acte, je l'ai essayé une fois après avoir eu mon bébé, mon dernier accouchement en 97. Que là, j'ai vraiment fait une tentative. Mais c'est une solution qui vient assez facilement, là, comme qui va revenir. Vous avez fait quoi comme tentative de suicide? Cette fois-là, j'avais essayé de partir à nage, là, je m'étais en allé dans un lac, au large. puis il est arrivé quelqu'un. Combien de temps après l'accouchement? Quelques mois. Peut-être le bébé avait 3-4 mois, là. Et la première tentative de suicide à 12 ans avait consisté à... Essayer avec les veines, là. Ouvrez vos veines. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire... dans le temps, moi, je prenais un bout de crayon, là, puis on essayait bien, bien fort là, de frotter là, jusqu'à quand on touche les veines, là. Puis j'avais une sœur qui avait fait une tentative avec une lame à rasoir, ça fait que j'avais essayé après, tu sais, là. Ça me travaillait toujours le désir de mourir. J'ai comme toujours eu en dedans de moi, là, j'avais l'impression... C'est incroyable. Le désir de mourir me travaillait. La façon dont vous phrasez ça, le désir de mourir me travaillait. Vous étiez tellement découragé que vous n'étiez plus capable d'affronter la vie. C'est pas tout à fait le désir de mourir qui vous attirait. C'est le découragement et le désespoir était tellement grand que c'était invivable. Ouais. C'est comme si la mort devenait plus fascinante que la vie. Non, il n'y a pas de fascination là, c'est le découragement. Ah oui, ben oui, ça mène à... Il ouais. n'y a pas de fascination là-dedans, n'est-ce pas, Anne? Non, ben, je vais vous dire que le trou qui il se rapetisse avec le temps, je pense que j'ai développé... Anne, parlez-nous du trou. Anne, parlez-nous. En quel honneur ce trou? Ah, il y a plusieurs honneurs, je pense. Il y en a deux, trois. Il y en a deux, trois, il n'y en a pas dix. Ben, c'est sûr que j'ai vécu de l'inceste quand j'étais jeune. Merci de le dire. Inceste aux mains de? Mon père. De quel âge à quel âge? Je devais être tout jeune. C'était des attouchements. Ça n'a pas eu de... jusqu'aux pénétrations, toute l'équipe, mais j'ai... Lâche-moi pénétration. Écoute, c'est l'excuse, la plupart des personnes... Ouais. Ah, il n'y a pas eu de pénétration! Donc, pas de dommage, mais c'est pas vrai. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, l'inceste avec aux mains de votre père, de quel âge à quel âge? Ben, de tout jeune jusqu'à l'âge de 13 ans. De tout jeune? Jusqu'à 13 ans. Non, mais tout jeune, ça veut dire quoi? Ben, j'imagine que ça a commencé très tôt, là, les souvenirs que j'ai, moi, ils ont peut-être 4-5 ans. Bon, OK. Jusqu'à 13 ans? Oui. Ça le finit comment? J'ai dénoncé, puis j'ai été expulsée de chez moi, là. Je me suis retrouvée en famille d'accueil. C'est ça, c'est là que c'est arrivé, là. Oui. Ouais. Vous savez, quand les travailleuses sociales disent au monde, « Dénoncez, monsieur! Votre corps vous appartient! » Oui, la petite fille, elle se ramasse en famille d'accueil. C'est cela. Et là, quel traitement avez-vous subi en famille d'accueil? Ben, j'ai été retirée du... Pardon? J'avais plus de contact avec aucune de mes sœurs. Ouais. Ma mère, elle arrêtait de me voir aussi. Oui. J'ai pas vu mon père après pendant 2 ans. Ouais. Je me suis retrouvée en maison de reforme ensuite. Ouais. Parce que j'ai fugué. Jésus. Après ça, je me suis mariée. Anne, c'est à refaire. Est-ce que vous dénonceriez à nouveau votre père? Ben, j'ai jamais porté plainte. J'ai jamais été plus loin que ça parce que ça sert à rien. Oui, mais le si c'était à refaire... est-ce que vous dénonceriez votre père? Est-ce que... Bonne question. Mais Anne, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas dénoncé votre père. C'est quelqu'un qui s'est aperçu que ça tournait pas rond dans votre famille? Je l'ai dénoncé, mais j'ai pas fait des plaintes officielles à nulle part. Vous l'avez dénoncé à qui? Oui, c'est ça. Je l'ai dénoncé à l'école. Ouais. Avec une travailleuse sociale de l'école. Oui. Évidemment. La DPJ à l'époque. Bon. Yes. Ils n'ont pas cru. Ils ont pensé que c'était moi qui avais des troubles de comportement. Ouais. Mon père, il l'a révélé, il y a peut-être 4-5 ans. Ouais. Il vous a dit que vous aviez raison. J'ai avoué devant ma mère, devant tout le monde. Ah. Ouais. Bon. Ça a pris plus. Alors, quand on conseille aux jeunes d'aller dénoncer ça là, à l'école, aux travailleuses sociales, puis à DPJ, comprends-tu, Jeannine, pourquoi que je dis jamais rien là-dessus? J'ai un exemple assez proche. C'est pas dans ma famille, là. C'est OK. Même chose que ce que vous racontez, Anne. Sauf que la jeune fille est encouragée à dénoncer son père, puis là, c'est allé aux policiers et tout ça. Mais... Et c'est elle qui s'est retrouvée en école de réforme parce que c'était ça à l'époque. What? Même chose, même affaire. What? Oui. Et c'était vraiment... Il y avait vraiment eu inceste. What? Mais elle est allée en cours témoigner, jeune... Pierre. Elle lorsque est allée... La... Je veux juste finir. Elle est allée en cours, cette personne-là, témoigner. Ça a passé en cours. Le procureur a dit, c'est correct, il y a assez de preuves en cours. Et le père n'a pas été reconnu coupable. Il avait passé... Il manquait des petites preuves. Oui. Alors, elle s'est retrouvée à partir de là en école de réforme. Elle est allée là, jusqu'au maximum. Mm-hmm. Elle a été punie 2 ans. 2 ans dedans. Oui, moi aussi, 1 an et demi. Vous aussi, imaginez. Jusqu'à l'âge que... Ils m'ont laissé sortir du centre. Alors j'espère, vous savez, les travailleuses sociales, il y en a beaucoup qui écoutent, là. Et j'espère que vous écoutez, non pas Mayou, mais j'espère, mesdames, que vous écoutez Anne. Et j'espère que vous écoutez Jeannine quand elle parle. J'ai étudié là-dedans, puis je peux vous dire que j'ai été... Je me suis aidée en allant étudier là-dedans. Vous avez parce étudié dans quoi, Anne? En travail social. C'est vrai? Oui. Ben, c'est correct. Parce que je pense que c'était ma thérapie, ma première thérapie personnelle. C'est excellent, Anne. Il n'y a pas de problème là. Mais ça ne m'a pas évité de retomber. Ouais. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir... Attendez. Alors là, il y a eu comme facteur déclenchant dans votre cas, de toute cette dérapage-là, il y a eu l'inceste aux mains de votre père. Oui, il y a eu la froideur de ma mère, la réaction de ma mère aussi. Je vais vous dire qu'elle ne m'a pas cru. Non. Bon, écoutez, elle n'a même pas allé la voir quand elle était à l'école de réforme. Faut lui pardonner, c'est une femme. Non, mais je suis très consciente aujourd'hui que... Elle m'a donné ses explications. Hein. On a pu en discuter, puis ça, je l'apprécie énormément. Ben oui. Mais sa raison, c'était, regarde, toi, t'étais sur le point de partir, t'étais ma dernière enfant, puis moi, après ça, j'aurais pu eu ton père. Je capote, Steve! Jeannine! Ah! Eh oui. Ah! Eh oui. Hey, quand est-ce que vous a donné cette savante explication, la tarte? Ça fait déjà... ça doit faire un 7-8 ans. Ah, elle avait quel âge? La nouille! L'andouille! Oui, j'admets que c'était assez... Non, mais écoutez, hey, il y a des fans... Non! Il y a... Bernard Landry a raison. Il y a un paquet de femmes au Québec qui ont des cervelles de moineaux. Oui, Bernard Landry a raison. Mais quelle cervelle de moineau! Pauvre Anne! Elle voit sa mère puis ça la fait sourire. Qu'est-ce que tu veux faire rendu là? Est-ce que vous avez des problèmes pulmonaires? Hein? Je vais vous dire que moi, lorsque je me retrouve aujourd'hui dans ma mère, parce que veux, veux pas, hein, j'y ressemble, c'est ma mère. Wow, les nerfs, on se calme, c'est pas automatique, ça. Ce n'est pas automatique. Pardon? J'ai développé des comportements, des façons d'être comme elle. Bon, ouais, mais attendez, les nerfs, on se calme, là, dans notre désir de s'identifier, là. Wow! La dépendance affective. Hey, envers elle? Je me suis retrouvée beaucoup là-dedans. Ah. Oui, les moteurs, là, un instant, on respire. J'aimerais pouvoir dire que ça, j'ai fait mieux, hein, mais regardez avec le résultat, avec mes enfants. Ouais. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au niveau de la maturité, c'est plate à dire, mais mes enfants sont beaucoup plus matures. Bon, Anne! Maintenant que les Jérémiades ont été énoncées, on va faire quoi dorénavant à 37 ans pour réparer nos bévues? Ben, je pense que c'est à tous les jours de continuer puis d'être franche avec moi-même puis d'être capable. Oui, non, mais avec les enfants, là. Réparer ce que vous avez fait de pas correct avec vos gamins, là. C'est ce que j'essaie de faire à tous les jours. Bon, excellent. Alors, vous avez beaucoup de temps pour réparer. Correct? Bye. Bye, Anne. Merci de votre appel. Salut. Hey, sa mère. Ce samedi, le Manoir et Cour de l'Atrium vous ouvre ses portes. Découvrez cet environnement paisible. Votre confort, notre priorité. Porte ouverte au Manoir et Cour de l'Atrium ce samedi de 13 à 16 heures au 502 boulevard de l'Atrium, Charlebourg. 626-6060.

S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas appeler. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est toxicomane, qui se drogue, entre en désintoxication. Est-ce que vous lui donnez... Est-ce que vous lui donnez des chambres? C'est ça, là. C'est ça l'essence aujourd'hui de l'émission. Puis, combien de fois est-ce qu'on peut donner des chances à quelqu'un? Est-ce que ça vaut la peine? Bon, alors, l'appui des proches. Chantal, bonjour. Attends un petit peu. Janine, concernant l'appel précédent, parce que c'est pas anodin, là. OK? Régulièrement, je reçois des courriels qui me traitent de misogyne, puis j'haïs les mères, puis en tout cas, tu sais, j'en ai beaucoup à dire sur les mères. Mais là, à toutes ces bonnes femmes-là là, qui m'envoient des courriels de bêtises, avez-vous écouté Anne? Avez-vous écouté ce qu'elle a dit? Ce qu'elle a dit, c'est qu'il y a 6-7 ans, sa mère lui a avoué que, écoute, t'étais la dernière, t'en avais pas pour plusieurs années encore dans la famille, tandis que moi, j'avais encore besoin du bonhomme. Ça fait que je t'ai sacrifié. Est-ce qu'on a entendu la même chose, Jeannette? On a entendu la même chose. On a entendu la même chose. Hein? Et ça, ce genre de bonne femme-là, là, il y en a plusieurs centaines de mille au Québec. C'est pas 3 douzaines. C'est des centaines de mille, comme la mère de Anne. J'aimerais que j'aimerais soumettre ça à la réflexion du collectif féminin du Québec. Quand Mayou dit qu'il y a des femmes qui sont des charognardes, il sait ce qu'il dit. Il y a des femmes extraordinaires. Mais il y en a d'autres, là, c'est des maudites charognardes, des cervelles d'oiseaux. Alors, mesdames, sachez les distinguer, les démêler, parce qu'autrement, vous allez toutes entrer dans le même bain. Tu peux pas démêler, Pierre. Ça se démêle pas. La mère d'Anne l'a dit. C'est noir sur blanc. Mais c'est pas tout le monde qui dévoile son jeu comme ça. Et ils ont des enfants qui n'ont jamais le fond de la pensée des parents. Jamais jusqu'à leur mort. Quand une mère lève sa petite de 8 ans pour aller sucer le bonhomme à 11 heures, elle n'a pas besoin de parler. C'est elle qui est allée réveiller la petite pour aller sucer le bonhomme. C'est encore clair. Il y a des stratagèmes moins claires que comme ça. Alors, on parle à Chantal. Bonjour, Chantal. Oui, allô. Bonjour, Chantal. Allô? On vous écoute. Je suis un peu nerveuse, c'est la première fois. Bienvenue. Moi, c'est ça, j'ai commencé à l'âge de 10 ans à consommer de l'alcool, puis j'ai fini avec l'aiguille dans le bras. C'est-à-dire? Je me suis injectée avec la coke. OK. Pourquoi l'injecter au lieu de la sniffer ou de la fumer? C'est une bonne question. Pourquoi je me suis dit, c'est la dernière fois que je n'avais pas essayé, puis je voulais sauver une personne. J'ai dit, si tu sais que je vais le faire. Ben là, vous voulez sauver une personne, Chantal, un peu de sérieux, là, on n'est pas des valises. Hein? C'est comme je voulais, avec ma dépendance affective, ça m'a... Chantal, plus ou moins consciemment, vous détruire, vous enlever la vie. C'est ça. Bon, mais pourquoi pas le dire simplement, chère Chantal? OK. Hein? Pourquoi mentir, venir me dire que vous vouliez sauver une personne alors que vous vouliez vous tuer? Tu sais, puis vous n'étiez pas encore tout à fait rendu là, mais là, vous étiez en train de prendre des moyens d'autodestruction. Hein? Mm. Allez-y, continuez. Puis, c'est ça, que j'ai, à plusieurs reprises, j'ai essayé de me tuer avec, j'étais dans les bars, je buvais, puis à un moment donné, je coupais les verres, les cendriers, puis je me coupais les veines, tu sais. Mm-hmm. Oui. Puis mon père, il était jamais là, il travaillait tout le temps. Oui. Puis c'est un manque d'amour que j'ai eu. Puis mon père, il m'a aimé comme que pu, tu sais. Chantal, parlez-nous de votre mère. Est-ce que c'est votre père qui vous a accouché? Non, c'est ma mère. Bon, Chantal, je suis pas une valise. Deuxième avertissement. Le père qui travaille, c'est aucun sens, c'est noble dans notre société. OK? Alors, laisse faire le père qui travaille, qui n'est pas là, puis parlez-nous de la mère, correct? OK, on va aller droit au but, OK? Oui, Chantal, là-dessus, là... On ne fera pas le tour de la roche. Et avec moi, là, on est mieux, parce qu'autrement, je vais vous envoyer direct sur la roche. Parce que, de toute façon, faire le tour, des fois, c'est long. Oui, puis Mayou, là, les grands tours de roche, c'est pas son fort. Alors, allez-y. OK. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ma mère, quand j'étais jeune, était alcoolique. J'arrivais de l'école, qui était saoul. Ben oui. Puis, à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé, elle n'était pas responsable, elle avait de la misère à s'occuper de nous autres. Ouais. Puis, mon père, il arrivait à 11 h le soir. On était déjà couchés. Mon père est parti à 3 heures l'après-midi pour aller travailler. Attendez, on va continuer tranquillement, Janine, si tu n'as pas d'objection. Mais oui. On vient juste de commencer. Bien certain. On a amorcé un petit peu. Alors, faire confiance à quelqu'un On a décidé d'une attitude d'ouverture mutuelle. Alors, on poursuit. Regardez, Chantal, on va aller aux informations. On va continuer avec vous tout de suite après. C'est bon? Dis-moi que c'est pas vrai que Guillaume Latendresse écoute Céline Dion. C'est ce qu'on nous a dit. C'est dans une entrevue. Céline Dion, il aime aussi. Il a fait venir le coffret de Linda Lemay, donc il met son linge en sécheuse, puis ta. Il écoute ça, c'est tout là. Écoute, notre homme est un sensible. C'est pas un viril. Pourtant, ça brase un coin de bande, me disait. Mais dans le fond, c'est un sensible. OK. Non, mais tant mieux. Tu sais, Guillaume est sensible. Zone sportive d'Info 800. En semaine, dès 16h. Nous sommes vos yeux. Avec la plus grande salle de rédaction de Québec, tous médias confondus. Nous sommes vos oreilles, avec une équipe de rédaction de 119 personnes, dont 87 journalistes, chroniqueurs et éditorialistes de la capitale. Nous sommes votre voix, avec plus de 1600 lettres de nos lecteurs publiées dans nos pages chaque année. Nous sommes votre quotidien de Québec, avec plus de 110 ans de nouvelles d'ici. Nous sommes le soleil. Pour vous abonner, composez le 686-3344. À une minute des chutes, juste à côté du nouveau JD Dodge Chrysler Jeep, c'est le nouveau JD Suzuki. Hey, ça fait un mois qu'on est là et franchement, ça va super bien. Suzuki, c'est la voiture la plus vendue au Japon et la raison se trouve derrière le volant. Alors venez donc satisfaire votre curiosité. Venez essayer nos grands Vitara, nos SX4, nos XL7 et pourquoi pas la petite Swift à $11,395. Au nouveau JD Suzuki, c'est sûr qu'on va vous étonner par notre capacité de vous convaincre qu'il vaut mieux faire affaire avec nous. À une minute des chutes, au 822-21-21 Suzuki, un mode de vie. Et c'est LeBron qui se présente à la plaque. Le tir. Un ballet frappé en hauteur en direction du champ droit. L'égaré est là! L'égaré est là! Bientôt, sur nos ondes, le retour des champions de la Ligue CANAM. Ici Jacques Doucet. Suivez tous les matchs des Capitales de Québec en ma compagnie et celle de François Paquet, uniquement à Info 800. Info 800. Info 800. La radio officielle du club de baseball, les Capitales de Québec. La seule à radiodiffuser tous les matchs des Capitales. Info 800. La seule à vivre l'action en direct au stade municipal et sur la route. Matin, midi, soir, Info 800 est la seule radio des sports à Québec. Méfiez-vous des imitations. Les Capitales sont à une prise de prendre les devants 1-0 dans la finale 3-5. La pause, le lancer. On ne négocie pas avec une émotion. Moi, j'aime ça, le AM. Commencez votre été en force ce week-end. Assistez aux portes ouvertes de véhicules récréatifs Bolduc à Beaumont. Partez à la découverte de leurs nouveautés, dont les remarquables Fifth Wheel et roulottes Cougar, meilleurs vendeurs en Amérique du Nord. Les nouveaux modèles, les meilleures marques, Titanium, Passport, Cherokee, Regal et tellement d'autres. VR Bolduc, une nouvelle administration, un siècle d'expérience, un prix, le meilleur. Toujours service et qualité. Porte ouverte ce week-end chez Véhicules récréatifs Bolduc, sortie 337 de l'autoroute 20 à 10 minutes des ponts. Vendredi, 9h, Info 800 passe en mode week-end. Ne manquez pas l'édition gourmande en compagnie du chef cuisinier Mario Martel et du spécialiste en vin Luc Lescarbot. Les découvertes de l'heure dans le monde culinaire et des vins, trucs, conseils et suggestions gourmandes. L'édition gourmande, une présentation de Métro GP. Pour un cocktail, une réception au bureau ou pour un bon repas chaud, contactez le service de traiteur Les Tentations du Chef au 955-CHEF. Laissez-vous tenter. Stéphane Gaz. En semaine dès 6h et le midi dès 11h30. À Info 800. Quand on voit des bulletins avec des compétences transversales, puis qu'on n'arrive pas à saisir, et regardez là, les compétences complètement folles, approfondir la connaissance de soi, des autres et de son environnement afin de bâtir son identité personnelle et sociale et de s'éveiller à la dimension spirituelle de l'existence. What the fuck does it mean? La radio AM, des nouvelles et des sports à Québec. Info 800 Québec, les nouvelles que vous voulez, quand vous les voulez. Bon matin, ici Gilles Laberge. Bonjour, ici Bruno Perron. Ici Michel Harvé. Info 800, la radio AM des nouvelles à Québec. Ici André Proulx. Ici Alexandre Paris, voici les informations. Plongez au cœur de l'actualité régionale, nationale, internationale et sportive. Info 800. Info 800 Québec. Info 800. La priorité d'Info 800, que vous soyez les premiers informés à Québec. Opération dans le mille. Du 1er au 18 mai 2008, 16 pays réunis. Les meilleurs joueurs de hockey au monde réunis ici. Du jamais vu à Québec. Le championnat mondial de hockey masculin 2008. La Chambre de commerce de Québec offre à la population et la communauté d'affaires de Québec la possibilité d'acheter les 1000 meilleures paires de billets pour la série de 30 matchs qui se tiendra au Colisée Pepsi. 691-7211, en semaine de 7h à 18h ou sur billettech.com. Info 800. Météo. Météo. Aujourd'hui, c'est alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Ce soir et cette nuit, dégagé avec un minimum de 0. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est ensoleillé avec un maximum de 13 pour jeudi, un maximum de 14 pour jeudi et un maximum de 15 pour samedi. Et pour dimanche, ben, c'est un maximum de 16 degrés. Les nouvelles. Une présentation de Oricom Internet, qui a aussi une grosse nouvelle pour vous. Le téléphone IP pour seulement $14.95 par mois. Économisons en cliquant sur oricom.ca. Info 800. Québec. Bienvenue dans la zone nouvelle d'Info 800. Info 800. Information. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici André Proulx, il est 14h47 et le mercure indique que 12 degrés. La représentante syndicale des enseignants québécois, Joanne Fortier, estime que la nouvelle ministre de l'Éducation, Michel Courchesne, devra apporter plusieurs modifications à la réforme scolaire pour la rendre acceptable. Le gouvernement devrait notamment permettre le redoublement des élèves et émettre des directives pour que les bulletins soient précis, a suggéré Mme Fortier, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement affiliée à la CSQ. Selon elle, les bulletins scolaires demeurent confus. Qu'il y ait un bulletin clair, simple, qui fasse en sorte qu'on puisse regrouper les compétences et que si il le faut et si c'est le désir du milieu, recourir à des notes plutôt qu'à des cotes, et dans ce sens-là qu'elle donne des indications très claires. Un groupe de femmes ministres du gouvernement Charest a effectué une sortie en règle contre Jean-François Plante, qui est toujours membre de l'exécutif de l'Action démocratique du Québec et qui a tenu des propos controversés sur les femmes. Interrogé récemment par le quotidien Le Soleil, M. Plante n'a pas formulé de regrets pour ses déclarations du passé et a soutenu qu'elles n'entraient pas en contradiction avec les valeurs de l'ADQ. Ce matin, la vice-première ministre Nathalie Normandeau a déploré que le chef Mario Dumont maintienne M. Plante dans l'exécutif du parti. Nous souhaitons dénoncer les propos qu'a tenus encore récemment Jean-François Plante de l'Action démocratique du Québec. Et ce que nous souhaitons dénoncer surtout, c'est le silence de Mario Dumont face au fait que Jean-François Plante soit revenu à la charge avec des propos qui sont inacceptables dans une société comme la nôtre. La Société de l'assurance automobile du Québec, en collaboration avec CAA Québec, a lancé aujourd'hui son nouveau réseau provincial permanent de vérification de sièges pour enfants. Les familles pourront ainsi prendre rendez-vous dans un des adhérents au réseau pour faire vérifier leur siège d'auto. Selon le directeur du développement de la sécurité routière de la SAAC, Alain Collerette, plus de la moitié des enfants sont mal installés dans leur siège. Ce qu'on constate, c'est qu'à peu près au-dessus de 90 % des enfants sont assis dans le bon siège, ces choses-là. Sauf que dans près de 50, au-dessus de 50 % des cas, le siège est mal installé ou est mal adapté à l'enfant. Le centre du carrefour giratoire de l'avenue Honoré-Mercier est prêt à recevoir la fontaine de Tourny. Le montage de la trentaine de pièces du monument de 7 mètres de hauteur demandera 1500 heures. Le monument est gardé dans une grange de Saint-François à l'île d'Orléans. Son transport nécessitera la fermeture du pont et son arrivée sur la colline parlementaire est prévue le 7 mai. La famille Simons l'a offert à Québec pour son 400e anniversaire. Elle défraie aussi les frais de transport, de restauration et d'assemblage de 4 millions de dollars. Un bris d'aqueduc s'est produit à Saint-Augustin. Les résidents des rues du secteur Place Portneuf doivent faire bouillir l'eau avant de la consommer. Et je vous rappelle que la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce est maintenant rouverte à la circulation. Elle était fermée depuis lundi en raison de la crue des eaux de la rivière Chaudière. La deuxième édition du cocktail bénéfice de la Société Alzheimer de Québec a été un succès. Une somme record de 81 000 $ a été amassée grâce à la mise aux enchères. C'est ce qui complète nos informations à Info 800, station du groupe Corus Québec. Prochain bulletin de nouvelles, 15h15. Info 800, la radio AM des nouvelles et des sports à Québec. Info 800, une station du groupe Corus Québec. Comme il s'agit d'une rediffusion de l'émission Mayou à l'écoute, nous vous demandons de ne pas appeler. Bon, aujourd'hui, Pierre, on glisse d'un bloc sur l'autre. Je vais juste rappeler notre sujet aujourd'hui, là. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui essaie de se désintoxiquer de la cocaïne, de l'alcool, etc., qui fait une cure. Vous lui donnez combien de fois une chance? Vous qui êtes un conjoint, une conjointe, collègue de travail, patron, ami, combien de chances? Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend des expériences, mais est-ce que dans votre expérience, ça a valu la peine? 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on continue avec Chantal, avec qui nous avons laissé tantôt. Chantal? Oui, je suis là. Okay, bon. Moi, ça m'a amené, à l'âge de 19 ans, ça m'a amené en prison. De 19 ans jusqu'à 27 ans. Puis jusqu'à temps que mon père m'envoie... Attendez un peu. En prison, pourquoi? En prison... J'ai tout fait pour consommer, que j'ai vendu, j'ai volé, j'ai menti, j'ai manipulé. Ça m'a emmené en prison. Okay. Mais vous n'êtes pas allé en prison parce que vous avez manipulé et menti. Vous êtes allé en prison parce que... Parce que, c'est ça, j'ai vendu de la drogue. OK. Vous en vendiez pour en prendre ou si vous en vendiez pour faire de l'argent? J'en vendais pour en prendre. OK. Puis c'est ça, de 19 ans à 27 ans. Puis la journée que mon père m'envoyait plus d'argent en prison, j'aurais été d'aller en prison. J'ai atteint mon bas fond. Je voyais plus de porte de sortie. Puis j'ai atteint mon bas fond parce que je me suis réveillée un matin. Puis moi, j'ai connu les meetings en prison. OK. Puis à 27 ans, j'ai décidé de me prendre en main. Ça faisait à peu près 10 fois mon frère me reprenait chez eux. 10 fois? Dix fois qu'il me reprenait. Parce qu'il vous faisait confiance, il essayait de vous aider, il espérait que vous vous en sortiriez. J'ai dit, là, c'est sûr, je vais m'en sortir. C'est la dernière fois que je consomme. Puis il me faisait confiance. Puis là, je l'appelais, je lui disais, je suis rendu à Bon Secours, ben, au poste de police, je m'en vais à Tanguay. Il m'a pris 10 fois. OK, vous avez quel âge, là, Chantal? Moi, j'ai 44 ans. Ça va faire 13 ans le 28 décembre que je ne consomme plus rien. OK. 13 ans somme. Et comment se déroule votre vie? Alors, parlez-nous un peu de vous actuellement, là. Actuellement, ça fait un an que j'ai perdu mon père. C'était une épreuve que j'ai passée en travail. Il était 16 jours dans le coma, puis j'étais là jour et nuit. Chantal. Oui. Où je suis rendue dans mon chemin. Je m'en maudis de votre mère et de votre père. OK. Dans ce cas-ci. Je vous ai posé une question très simple. Je m'intéresse à vous. Est-ce que j'ai le droit? Oui, tu as le droit. Je vais être poli. Je m'en maudis de votre père. OK. Pourriez-vous nous parler de vous? Moi, comment je suis aujourd'hui? Oui. Avant, j'avais un mal d'être quand je consommais. Aujourd'hui, j'ai un bien-être en dedans. Je suis bien, je suis heureuse. Mon estime de moi est plus grande. Oui. Je travaille pour moi. Puis ma vie est belle. Mais concrètement, là, vous faites quoi? Vous avez un appartement? Vous avez une maison? Une petite maison. Je suis en loyer dans une petite maison avec deux chats et un chien. Bon, c'est ça que je veux savoir. Vous êtes en loyer dans une petite maison avec un chat puis deux chats puis un chien. Deux chats puis un chien. Quelle sorte de chien vous avez? C'est un labrador mélangé avec du livrier. Il est-tu fin? Oui, il est gentil. Quel âge a votre chien, là? Il y a 6 ans. Un chien de 6 ans. Oui, j'ai déjà eu un chien en sortant de thérapie. J'ai déjà eu à peu près 10 ans. Je l'ai fait tuer parce qu'il était malade. Oui. Mais est-ce que mon chien m'a aidé à revenir à la maison. Je le sais. Ouais, pourquoi vous pensez que je vous pose ces questions-là sur le chien? Oui, je sais, ça m'a aidé. Est-ce que c'est vous qui aviez eu l'idée ou si on vous avait dit peut-être ce serait une bonne affaire? Non, c'est moi. C'est vous? C'est moi. Bon. Oui. Excellent. Il y avait quelqu'un qui m'attendait à la maison, je ne voulais pas le laisser tout seul. Ouais. Le chien l'attendait à la maison. Je ne voulais pas le laisser tout seul. Oui. Ça vous donnait une motivation. C'est important, ça. Oui, une motivation à part sais. Il y a beaucoup d'animaux qui jouent des rôles plus importants auprès de certains êtres humains que d'autres êtres humains. Motivation à ne pas rechuter, c'était le chien. C'est mon chien, mais oui. Et ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Oui. Alors, et à part ça, Chantal, vous vivez de quoi actuellement, là? Moi, je travaille à mon compte. Et vous faites quoi? Je coupe les gazons, puis je déneige en hiver. Débrouillarde. Ah, ouais. Une débrouillarde. Oui, mon père, il a tout le temps fait ça, puis c'est ça. J'aime être dans la nature. Autant que j'étais renfermée en prison, autant je vais être dehors. OK. Paysagement? Paysagement, puis du déneigement dans l'hiver. Mais déneigement, là, avec une petite souffleuse, comment? Une petite souffleuse, ouais. J'avais un 4x4 que mon père m'a gâté toute ma vie, mon père. Puis c'est un papa gâteau, puis... Mettez-en pas trop non plus, un peu de sobriété. Non, mais c'est vrai, c'est un papa gâteau. Ben oui. Oui, c'est vrai. C'est votre mère qui aurait dû vous gâter un peu. Oui, mais mon père, depuis que mon père est mort, ma mère a coupé les ponts avec moi. Oh, oui, c'est une maudite bonne idée, ça. La vieille maudite. Elle a vu la vraie couleur de sa mère. Oui. Le père essayait de compenser peut-être. Oui, mais là, attendez un peu concrètement, là, ça fait que vous allez ouvrir des cours. Qu'est-ce que vous faites l'hiver? Ça m'intéresse. Je déneige. Ma dernière hiver que je déneige avec une souffleuse, je m'en vais suivre des cours pour être gardien de sécurité. Au moins, m'en vais chercher mon permis pour chauffer des taxis. Ah. Je veux changer de métier dans l'hiver. Mm-hmm. OK, oui, parce que c'est dur pour une femme de 44 ans, là. Oui, aller jouer de la souffleuse, là, c'est... Oui, bien, ça, c'est bien pris. Oui, mais quand même, tu sais, c'est dur. À 45 ans, là... Elle s'en sort. Ouais. Chantal, c'est merci évident. Beaucoup. En tout cas, merci. Puis, salut. Je vous écoute tout le temps. Que bonne journée. Ça nous a fait plaisir de vous accueillir, chère madame. Alors, le chien. Hey, oui? Pierre, j'aime ça. Le chien qui était une motivation. Ah. Après ça, il y a Eric au début de l'émission qui nous a dit, bon, qu'est-ce les que c'est? Les animaux peuvent jouer un rôle déterminant. Beaucoup plus, à être beaucoup plus important que bien des intervenants ou des membres de la famille. Alors, combien de fois... Vous avez fait confiance à quelqu'un de votre entourage qui était sous l'effet de drogue et qui a tenté de se désintoxiquer. Ici Alexandra Paré. Du lundi au vendredi dès 9h30, c'est le grand bulletin d'Info 800. Nouvelles, reportages, sport, chroniques affaires, météo. Vous saurez tout ce qui se passe dans la grande région de Québec. Le grand bulletin dès 9h30 à Info 800. Vos prothèses dentaires sont usées, vous n'osez plus sourire, ça marche mal, attendez plus. Voyez cet expert qui est Daniel Fauché, denturologiste, qui pourra redonner fière allure à votre sourire grâce à des techniques modernes, un changement qui se fait sans ennui, et les amis seront épatés de vos nouvelles dents. Daniel Fauché, denturologiste, 527-6449, 527-6449, osez montrer vos dents. Dans un entrepôt de 200 000 pieds carrés, tous vos produits sont disponibles immédiatement, livrés rapidement et gratuitement partout. Tout ça, c'est possible. Parce que vous êtes chez Tanguay. Et parce que vous êtes chez Tanguay. Vous profitez en tout temps de conditions de paiement vraiment imbattables. La preuve, sur tous nos matelas, nous payons les deux taxes et vous payez en 50 versements. Et ça, c'est possible. Parce que vous êtes chez Tanguay. Découvrez l'ultime performance de croissance ProMix. De notre collection, ProMix Ultra Terreau pour BAC vous aide à cultiver des fleurs resplendissantes, et ce, avec 50% moins d'arrosage et sans la corvée de fertiliser. Essayez le tout nouveau ProMix pour pelouse avec mycorhize, pour une pelouse écologique et ultra résistante. Cette capsule sur la santé de votre animal, une présentation de Nutrition Animale AP, fier partenaire des produits pour animaux Oven Bake Tradition. Votre animal de compagnie a quelques livres en trop? Évitez de lui donner des restes de table ou de laisser son bol rempli en permanence. Servez-lui plutôt des portions contrôlées. Enfin, nourrissez-le avec une alimentation de qualité qu'on retrouve en animalerie. Nutrition Animale AP, rue Bouvier à Québec, route du Pont à Saint-Nicolas et boulevard de la Rive-Sud à Lévis, voisin de Rinfraie Auto. 837-5228. Chaque samedi dès 9h, Talbot Olivier Côté et associé gestion de patrimoine vous aide à planifier votre réussite financière. Préparez-vous à nous poser la question qui vous préoccupe, celle que vous n'osez pas poser à votre banquier ou conseiller. Nous sommes là pour vous répondre. Cette semaine, préparez vos questions et appelez pendant l'émission. Nous répondrons à vos interrogations financières. Une présentation de Talbot Olivier Côté et associé gestion de patrimoine qui est parrainé en partie par Fonds Dynamique qui vous offre son compte d'épargne placement de la Banque Dundee du Canada à 3,85% actuellement. 8-7-1-6-6-6-3. Kia Lévis vous offre ce qu'il y a de mieux. Osez comparer. L'élégante Spectra de Kia à partir de seulement 165 $ par mois, location 60 mois. C'est déjà très bien, mais on vous en offre plus. 3 mensualités gratuites à la location. Ça, c'est mieux. C'est Kia Lévis. Surprenez la route avec Kia. Kia Lévis, boulevard de la Rive-Sud. Kia, c'est où? Kia, c'est quoi? Boulevard de la Rive-Sud, Lévis. Dis-moi que c'est pas vrai que Guillaume Latendresse écoute Céline Dion. C'est ce qu'on nous a dit. C'est dans une entrevue. Céline Dion, il aime aussi. Il a fait venir le coffret de Linda Lemay, donc il met son linge en sécheuse. Il écoute ça, c'est une note. Écoute, notre homme est un sensible. C'est pas un viril. Pourtant, ça brase un coin de bande, me disait. Mais dans le fond, c'est un sensible. OK. Non, mais tant mieux. Tu sais, Guillaume est sensible. Zone sportive. D'Info 800. En semaine, dès 16h. Quand je veux me gâter, je vais chez Ashton. Des frites fraîches, ça c'est rare. Des belles pommes de terre cueillies à l'île d'Orléans et coupées à la main chaque jour. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Info 800. Une station du groupe Corus Québec. La radio AM. Les nouvelles des sports à Québec. Vous écoutez Mayou à l'écoute en rediffusion. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas appeler. Pierre, il y a un aspect de la question. Aujourd'hui, on parle de toxicomanes, des gens qui essaient de s'en sortir. Parce qu'il essaie ou elle essaie de s'en sortir, la famille va le seconder, va accepter des rechutes. Combien de fois on accepte des rechutes? Puis Pierre, il y a des gens qui ont été toxicomanes, qui sont toxicomanes, qui disent « c'est normal qu'ils m'aident, c'est normal que mes proches m'aident ». Ils prennent ça pour acquis. Puis, il y a des familles et des amis qui vont fournir de l'argent parce qu'ils se disent, au moins, il n'ira pas voler. Alors, ça fait comme une roue. Il y a toutes sortes de situations que ça engendre. T'sais. Tu prends pour acquis l'affection de ta famille, alors que ça peut être retiré. Ça fait 17 000 rechutes que tu fais. Dès le début de l'utilisation de produits illicites, là. Manifester une désapprobation, mais malheureusement, on banalise, vois-tu, les individus ne se droguent plus, ils consomment. Alors, la réprobation sociétale n'est plus au rendez-vous. C'est ça. OK? Oui. Il y a une banalisation du phénomène de la drogue. Bon, je suis en faveur de la légalisation de ça pour que cesse là, l'appropriation du crime organisé sur, entre autres, le cannabis. Parce qu'à partir du moment où on va légaliser le cannabis, il y a beaucoup de petits drogués qui vont cultiver eux-mêmes le petit plant de pote et ça va faire tomber de beaucoup la demande pour la cocaïne et l'héroïne. Oui. Alors ça, c'est important. Mais est-ce que ça ne va pas accentuer justement ce que vous décriez, la banalisation? Non, pas du tout. Ça va être la même chose. Ça fout rien. Mais écoute, lorsque l'alcool était légalisé, est-ce que le monde buvait plus? Jamais. Non. Jamais. Bon, mais... Avant, dans le temps de la prohibition, ça bagossait. Ça se faisait de la bagosse, OK? Ça se faisait de l'alcool. Il y en a beaucoup qui s'intoxiquaient. Il y en a plusieurs qui se sont ramassés aveugles. Oui. En légalisant l'utilisation de l'alcool, on a amélioré la qualité des produits. Ceux qui voulaient en prendre de façon récréative ont continué. Puis ceux qui étaient alcooliques avant ont continué. Ils sont restés. Mais au moins, ils ne sont pas devenus aveugles. Ben là, au moins, là, c'était pas là. Bon. Avec de l'alcool frelâtré et 50 maudites cochonneries. Mais banalisation. La même chose avec le pot et le hashish. C'est sûr que si le cannabis est légalisé, le pot et le hashish va circuler. Ben oui, il va circuler. Mais il circule de toute façon. Merci. Bon, correct. S'il vous plaît, pourriez-vous regarder à l'état de la situation actuelle, s'il vous plaît. Est-ce que vous dites, Pierre? Disent les petits-enfants, s'il vous plaît. Mais la banalisation, Pierre, au début, c'est correct, il prend un petit joint ici et ça, puis tu dis rien, puis à un moment donné, ça devient un gros problème, et là, t'es pris avec des désintox. Alors, on parle à Mélanie. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Moi, je téléphone, c'est pour faire part de mon expérience de rôle inversé avec ma mère. Oui. Ce qui veut dire que ma mère, elle prenait de la coke. Oui. Elle prenait beaucoup d'alcool. Votre mère a quel âge? Parce que c'est une bonne femme New Wave, là. Il y en a un paquet de ça, des bonnes femmes, là, à cocaïne. Dans le temps, elle avait début quarantaine. Oui, ça fait combien de temps de ça? Vois-tu, ça fait un bon 10 ans, peut-être. Bon, il y a 10 ans, c'est ça. Ça a commencé, ça a, moi, exactement. À 30 ans. Elle avait à 40 ans. Ça, à 40 ans, il y a 10 ans. Elle a une cinquantaine d'années, à l'heure actuelle, la bonne femme. Elle va avoir 48, comme ça. Elle a 48 ans. Okay. Ouais, ouais. Moi, j'avais à peu près 14 ans à l'époque. Oui. J'étais adolescente. Ma mère m'a déjà pris des sous sans que je m'en rende compte pour ses affaires à elle. Elle vous volait? Ouais. Pour acheter sa poudre? Pardon? Pour acheter la poudre. Est-ce qu'elle utilisait le même fournisseur que Boitler? Oh, c'est pas facile. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Pas été capable de m'en empêcher, celle-là. Ce que je trouvais plate, c'est que, à un moment donné, moi, j'avais 14 ans, j'avais mon petit travail à moi, j'avais mes sous. Oui. Je voulais m'acheter des choses. Ouais. Et moi, mes parents sont séparés. Fait que la fin de semaine, je partais deux semaines de temps chez mon père. Oui. Je laisse des sous pour qu'elle ait payé ma facture de Yves Rocher que j'avais dans le temps. Oui. Et j'ai demandé un reçu. Alors, oui. je ne l'ai pas eu. Mais moi, je ne te demandais pas. Je savais très bien que j'avais un reçu. Oui. Fait que j'ai fait confiance à ma mère en la croyant qu'elle avait payé. Mm. J'ai eu mon compte le mois d'après, puis ça n'avait pas été payé. Fait qu'à partir de là, il y a eu bien des choses comme ça qui ont dégringolé. Hey. Le mensonge qu'il y a eu dans tout ça, je pense que c'est la chose la plus difficile. Je me rappelle déjà avoir dit à ma mère, pourquoi tu me mens en pleine face quand tu sais que je le sais, mais tu me le dis pareil? C'est une chose que j'ai trouvée très, très, très, très difficile. Mm-hmm. Perte de confiance en sa mère. Non, mensonge en pleine face, mensonge et honte. C'est ça. Toutes les drogués mentent effrontément. Ben oui, les grands alcooliques et les drogués mentent tous effrontément. C'est une conséquence, ça. Ils mentent peut-être un peu avant, mais la drogue et l'alcool en excès et le gambling rendent tout le monde menteur. Oui. Mais quand t'as 14 ans, là, tu dis « Wow! » Ça commence raide. C'est une méchante plaque. Oui. Elle a essayé de se suicider aussi en avant de moi. Ça a été une autre affaire. De quelle façon? Racontez. Elle revenait de travailler, bien, à peu près 1h30 du matin. Et je sais qu'elle était saoule. Elle était arrivée dans le cadre de ma porte. Puis j'ai vu, tu sais, qu'elle s'en a rêvé, elle veut pas. Puis elle me dit, Mani, en tout cas, ça, des problèmes. Tu sais, tombe pas dans la drogue, c'est pas la meilleure affaire. Puis ta. Mais là, moi, j'ai eu comme un flash rouge. J'ai quelque chose qui marchait pas. Je l'ai suivie dans la cuisine. Elle a ramassé des médicaments. Elle a globé des médicaments, tout ça. Réflexe de mettre des mains dans la bouche pour enlever tous les médicaments, mm-hmm. Les jeter dans le levier. J'ai appelé une de mes copines que son père était sur mon côté. Il essayait gros de l'aider pour la rentrer en désintox, quelque chose comme ça. J'ai eu du support au moins de ce côté-là, mais c'est quelque chose à vivre, là. Oui. Oui. Oui, certain. Et la suite? Bien, la suite de tout ça, c'est que là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Là, j'habite plus avec ma mère comme telle. J'ai quand même une bonne relation avec elle. La confiance, je pourrais dire qu'elle est à 75%. Je ne pourrais jamais retrouver la confiance peut-être à ma mère parce que je sais qu'elle manque. Aussi banal que des histoires, elle habite plus loin. Elle habite près d'une heure et demie d'ici, de chez moi. Puis, à Noël, elle me dit, je ne montrerai pas, France, mon chum, il est malade, puis il est à l'hôpital, tu sais. Le lendemain matin, elle me rappelle, mais finalement, c'est juste que ça ne me tentait pas. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi que tu me mens? Puis elle vous le dit. En plus, 24 heures plus tard, elle vous le dit. Oui, c'est ça. Mais ouais. Là, je te l'ai dit, je te dis la vérité pareil. Oui, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Mélanie, la bonne femme à quel âge, là? Là, elle a 48. Bon, 48 ans. Et vous avez 24 ans, 23? Moi, j'ai 25. 25 ans? Oui. Est-ce que vous voulez gaspiller une partie de votre vie? Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette relation-là? Ben, regarde, je garde ça pas au minimum. Mais Mélanie, vous nous avez dit quelque chose d'emblée que j'ai écrit. Rôle inversé avec ma mère. Oui. Rôle inversé, ça veut dire que vous devenez la mère et elle devient l'enfant. Oui. Vous vous êtes fait prendre. Vous ne voulez pas abandonner votre petite fille. Lui-même aussi, ouais. Et vous allez payer cher. Parce que, mais Pierre, la question aujourd'hui, c'est combien de rechutes tu peux tolérer? Combien de fois tu acceptes de te faire duper, qu'on te mente, en donnant une chance? Ça ne marche pas dans ce cas-là, aux antennes? Non, le rôle est inversé. Oui. Expliquez-nous, Mélanie, ce que je veux dire. Dans le sens que, regarde, je ne sais pas combien de fois je peux avoir raccroché le téléphone à ma mère parce que je savais qu'elle commandait de la dose. Des sous qui m'ont été volés, j'essayais de la raisonner, j'essayais de. Je faisais vraiment le rôle de la mère. Oui. De faire un enfant pour l'éducation ou je sais pas trop quoi, là. Elle et vous a attrapé dans ce rôle-là et elle vous tient dans ce rôle-là. Oui. Dangereux, cela, vous allez perdre beaucoup de temps, d'énergie, d'émotion. Je consacre plus autant d'énergie à ça. Mélanie... Je sais qu'à l'occasion, on en prend encore, mais regarde, je me dis à ça, c'est sa vie. Parce que le moment où que pas ça tout à fait, vous n'en êtes pas encore. Ne soyez pas trop pompeuse, un peu de modestie. Vous n'êtes pas encore arrivé là. Okay. Vous aimeriez arriver à ce point-là. Je ne crois pas que vous soyez arrivé. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est sûr que, regarde, à quelque part, c'est ma mère. Je veux pas qu'il arrive à rien non plus. C'est Mélanie, c'est votre fille. C'est ce n'est fille. Pas votre mère, c'est votre enfant. Et elle est venue vous chercher dans votre instinct maternel. Peut-être que c'est assumé que j'ai mes enfants à moi, peut-être. Soyez prudente, parce qu'elle pourrait détourner à son profit votre instinct maternel. OK. Soyez prudente, Mélanie. Ce n'est pas sans raison que je vous dis ce que je vous dis. Elle est en train de détourner votre instinct maternel et de le briser. Et okay. Vous pourriez avoir beaucoup de difficultés à l'utiliser adéquatement pour vos propres enfants. Comme, est-ce que vous avez un exemple? Pardon? Elle l'a pris. Est-ce que vous avez un exemple? De? Un exemple de qu'est-ce qui pourrait, une conséquence qui pourrait faire que mon instinct maternel pourrait être... Succionner tellement d'énergie, Pierre. Elle pourrait même vous détourner d'avoir des enfants. Oh non, elle non, pourrait non. même vous détourner de croire que vous êtes une bonne mère. Non. Parce que, attendez un peu, inconsciemment, elle va vous amener à réaliser qu'avec elle, vous avez échoué. Il y a une grosse game, j'ai l'impression qu'il y a une grosse game qui se joue là. Ouais. C'est très malsain. Cette femme-là, votre génitrice, a échoué comme mère et va tout faire pour que vous développiez un sentiment d'échec. Non, je délire, Mélanie, je délire. Je m'excuse. Pierre, c'est parce que c'est pas clair. Ça, c'est un des cas, là. Wow. On va faire la pause. Pierre, c'est moi qui vais vous demander des explications. Okay. Mélanie, bye, merci Mélanie. Beaucoup. Info 800. Toute l'info que vous voulez, quand vous la voulez. Tous les faits marquants de la circulation avec Gaby Drolet. En semaine à la 6e, 26e et 46e minute de l'heure. Édition matin et édition sport. Supplément d'informations sur circulationquebec.com. La circulation, une présentation de Capital Bandag. Le nom à retenir pour vos pneus 4 saisons. 6250 Boulevard Amel, 871-1471. Rabais instantané à capitalbandag.com. Vos prothèses dentaires sont usées, vous n'osez plus sourire, ça marche mal. Attendez plus. Voyez cet expert qui est Daniel Fauché, denturologiste, qui pourra redonner fière allure à votre sourire grâce à des techniques modernes, un changement qui se fait sans ennui, et les amis seront épatés de vos nouvelles dents. Daniel Fauché, denturologiste, 527-6449, 527-6449, osez montrer vos dents. Une livraison, toujours rapide et gratuite partout. Plus de 45 ans de service irréprochable. Tout ça est possible. Parce que vous êtes chez Tanguay. Et parce que vous êtes chez Tanguay. Sur tous les électroménagers, les deux taxes sont payées. Sur les cuisinières, réfrigérateurs, ensemble laveuse sécheuse, lave-vaisselle et même les climatiseurs. Les deux taxes payées sur tous les électroménagers. C'est possible. Parce que vous êtes chez Tanguay. Joanne Verdon nous parle du bois de velours qualité Megaflex. Chaque fois que vous faites un pas, vos jambes et vos genoux, surtout ne les oublions pas, doivent soutenir tout votre corps. Le bois de velours qualité Megaflex contient des aimants à eau naturelle qui aident à hydrater les cartilages asséchés et les protéoglycanes qui peuvent les fortifier. Vous trouverez le bois de velours qualité Megaflex dans les espaces Santé Beauté Joanne Verdon ou encore chez Ferti 2000 au 1-800-272-1365. La météo, une présentation de ProMix, les ultra-terreaux de qualité. Pour des fleurs resplendissantes, ProMix, l'ultime performance, disponible partout. Info 800. Météo. Météo. Aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Ce soir et cette nuit, dégagé avec un minimum de 0. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, c'est ensoleillé avec un maximum de 13 pour jeudi, un maximum de 14 pour vendredi. Samedi, c'est un maximum de 15 degrés et dimanche, un maximum de 16 degrés. Info 800. Québec. Bienvenue dans la zone nouvelle d'Info 800. Info 800. Information. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Ici André Prou, il est 15h15 et le mercure indique 12 degrés. Un autre événement spectaculaire organisé par Red Bull pourrait se tenir à Québec en 2008 si la mairesse accepte de collaborer. Les organisateurs du Red Bull Air Race, une course de slalom dans le ciel, seraient intéressés à présenter l'événement à Québec dans le cadre du 400e. La candidature de la capitale a été soumise par l'entreprise Nemex de Québec. La Société de l'assurance automobile du Québec, en collaboration avec CAA Québec, a lancé aujourd'hui son nouveau réseau provincial permanent de vérification de sièges pour enfants. Les familles pourront ainsi prendre rendez-vous dans un des adhérents au réseau pour faire vérifier leur siège d'auto. Plus de la moitié des enfants sont mal installés dans leur siège. Vélo Québec a présenté la programmation officielle des activités marquant l'inauguration de la route verte aujourd'hui à bord du traversier de Québec-Lévis. La route verte est un itinéraire cyclable de plus de 4000 km dont l'aménagement a nécessité plus de 12 ans de travail. L'équipe du festival Woodstock en Beauce confirme la venue du phénomène punk Good Charlotte. Le groupe américain offrira sa prestation sur scène le 29 juin à 23h, c'est un vendredi. Le repêchage de la Ligue canadienne de football a lieu cet après-midi et deux joueurs du Rouge et Or de l'Université Laval ont été sélectionnés jusqu'à maintenant. Ce sont Michael Jean-Louis et aussi Éric Maranda. C'est ce qui complète nos informations à Info 800, station du groupe Corus Québec. Prochain bulletin de nouvelles, 15h45. Vous écoutez une station du groupe Corus Québec. Info 800, Québec. Comme il s'agit d'une rediffusion de l'émission Mayou à l'écoute, nous vous demandons de ne pas appeler. OK, alors Pierre, oui? Ici, le sujet aujourd'hui, là, si vous avez un toxicomane dans votre entourage, mm-hmm. vous lui donnez combien de fois des chances? Mm-hmm. Bon. La Mélanie, vous la mettez en garde contre son instinct maternel qui a été détourné. Oui. Au profit, elle est devenue la mère de sa mère. Exact. Sa mère biologique. Et sa mère est devenue une gamine impénitente. Bon. Impénitente. Bon, c'est là que vous accrochez, vous avez l'impression qu'elle s'en sortira jamais. Non. Elle va s'accrocher au basket de Mélanie. Oui. Ad vitam aeternam. Oui. Et encore plus lorsque Mélanie va avoir des enfants et elle va la détourner. Elle va, inconsciemment, fort probablement, réussir à embarquer Mélanie dans un processus d'échec de maternelle. Parce qu'elle-même a échoué lamentablement. OK? A échoué lamentablement. Mmh. Et elle ne pourra pas tolérer que sa fille réussisse là où elle a échoué. Alors, on peut présumer un scénario où cette femme-là va s'accrocher, va lui téléphoner, va faire des tentatives de suicide. Elle va toujours avoir de quoi pour solliciter Mélanie dans son instinct maternel. Parce que cette femme-là prendra jamais une autonomie, elle se débarrassera jamais de sa toxicomanie, c'est ça, là, vous présentez? Non, fuck la toxicomanie, bon. Je parlais même pas de ça. Bon, mais Pierre... Tu sais, c'est une loque. Il y a du monde qui sont des loques humaines. Donc, Janine. Mélanie ne peut pas lui donner d'autres chances. Elle lui en a suffisamment donné. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben oui. Correct. Elle va y perdre. Écoutez. Elle va y perdre ses plumes, hein? Non. Non. Elle, c'est pas des plumes qu'elle va y perdre. Elle risque d'y perdre son âme. Correct. Oui, okay. L'âme existe. Ça précise. Alors, c'est un et elle va y perdre son âme, Mélanie, dans cette relation, dans ce rôle inversé. C'est pas moi qui ai dit que le rôle est inversé. C'est elle-même. Oui. D'emblée, elle commence à dire rôle inversé avec ma mère. C'est le cas, un des premiers cas depuis le début de l'émission où vous diriez, c'est assez de donner des chances, ça, c'est toi qui vas t'y perdre. On prend ça comme ça, là? Je donne pas de conseils. Je constate qu'il y a un danger d'y perdre son âme. C'est beau. Pourriez-vous veiller à garder vos âmes, s'il vous plaît? Parce que l'âme existe. Je me sens dans un élan de spiritualité, soudainement. La partie la plus subtile de chaque être humain, voilà. Celle qui n'a pas de corps physique. Bon, on parle à Daniel. Bonjour, Daniel. Bonjour vous deux. Bonjour Daniel. Ça va bien? On vous écoute. Bon, moi, ce qui est pour laisser des chances à des drogués, il n'y en est pas question. Parce que le seul temps qu'il va pouvoir arrêter, c'est s'il lui arrive quelque chose de grave. Soit qu'il était... c'était de sa faute qu'un de ses amis ou quelqu'un est mort. Là, il va penser réellement arrêter. À part de ça, ça va majoritairement être tout démembré. Mm-hmm. Moi, je vais avoir 50 ans. J'étais 30 ans drogué. Mm-hmm. Combien? 30 ans. 30 ans. Okay. Drogué. Vous savez drogué de quoi? Drogué à quoi? Au fumage. OK. Au pote? Les deux. OK. Puis, dans cette... Ben là, attends un peu, quand vous dites les deux, là. Ça peut être le pote et l'âge. Oh oui, pote et hachiche, oh oui, c'est dans la même famille. Oui. Puis, c'est comme quelqu'un qui prend du vin et du fort, tu sais. Il dit, moi, je suis juste alcoolique à la bière. J'en ai qui m'arrivait à mon bureau, il me disait ça. Ah, moi, je prends juste de la bière, je prends pas de fort. Ah, c'est ça. Puis j'ai été au moins 10 ans pendant ce temps-là, sa poudre. Oui. J'en ai vendu. Oh, OK. J'ai eu des runs qu'on appelle 5-6 gars qui vendaient pour moi. J'espère que vous n'étiez pas un fournisseur de notre grand ministre. Non. Hey, Daniel! Oui. Un ministre qui se poudre l'anus, là, il prend ça où, sa poudre? Ben, c'est des pots de vin. Moi, je suis sûr. Moi, Gardez donc ça, Jean. Pour un ministre qui va dire qu'il a arrêté, ouais, c'est de la merde, carrément. Ah, c'est des pots de vin. Arrêtez donc, vous, là. Parce que moi, je donnerai jamais un mandat à quelqu'un qui a sniffé pour qu'il en ait plus d'argent ou plus de pots de vin aux alentours, plus de parties, puis qu'il va me dire qu'il n'en prendra jamais. Wow. À d'autres, là, je crois pas ça du tout. Puis qu'il essaye pas que c'est toutes des mères de famille qui l'écoutent. C'est, on va y laisser une chance. On, les Québécois, on se tourne trop souvent de bord. Là. Puis on oublie très vite, tout dépendant. Il est à veille d'embrasser des bébés, là, pour avoir toutes les dames du Québec pour qu'ils fassent trouver. Alors, Daniel, on va revenir à votre cas. Correct? On est dans la poudre. Mais on est dans la poudre. La drogue modifie les comportements, chers amis. Oui. Et Daniel nous dit, je ne ferai pas confiance à un drogué, je l'ai été moi-même. Ça, c'est... OK, ça, bon. Puis moi, j'ai arrêté quand mon spécialiste, l'ORL, oui, a dit qu'il ne pouvait plus souder rien, je ne pouvais plus avoir de bandage dans le nez, que la prochaine opération, je ne goûterais plus rien. Ben, j'aime bien manger. Puis je ne sentirais plus rien, mais j'aurais plus de problème à se laisser là. Puis j'ai dit, wow, j'aime trop manger. Expliquez aux auditeurs de quoi vous parlez. Okay. Ouais. Quand on sniffe, là, OK, quand on fait par le nez, c'est la place la plus facile. Puis on peut faire ça à peu près n'importe où. C'est soit le nez ou les yeux. Moi, je ne l'ai pas fait la piqûre parce que j'ai horreur des piqûres. J'ai une phobie. Oui. J'aime pas les piqûres, donc c'est la raison pourquoi je me suis jamais piqué. OK. Puis, à force de sniffer, ben souvent, tu vas pogner de la cochonnerie ou que tu sniffes trop. On parle d'à peu près 30 grammes par fin de semaine. Mm-hmm. Ça veut dire combien de lignes, ça? Ah, t'es compte plus. On parle plus de lignes, on parle track. Tu sais, puis là, ça t'arrive le dimanche qu'il faut que tu dormes, ben là, t'as ton pot de Valium. Mm. Puis, okay, tu commences à 5. Si tu réussis à t'engourdir un petit peu, tu risques de dormir, là. Mais je veux dire, puis c'est tellement facile, là. T'arrives, on te connaît, là. D'un bar partout, là, quand tu arrives avec ta poudre, tu payes plus, là. Tu mets le sac sur la table, puis là, la bière arrive, tout le monde te parle. T'es comme le centre. Donc, puis ça, là, tout the le monde king aime ça. Ouais, the king. C'est ça, ouais, tout le monde aime ça. Mais pour votre nez, là, c'est la cloison qui se brise, là. Oui. Ça s'est attaqué. Oui, j'ai eu 6 fois qu'on m'a soudé des bandages et tout, les veines et tout, parce que ça saignait, là. Aïe, aïe. Puis là, mais j'aurais pu arrêter, j'aurais pu continuer, là, m'en mettais genre teflon, là. Ça saignait plus, là. C'était fini, là. Et donc, ça passait tout. Mais moi, j'aime trop m'en manger quand tu m'as dit que je pouvais écouter ça. Fait que là, j'ai donné mon livre de front au gars qui collectait. J'en avais pour à peu près 75 000. Puis j'ai déménagé. J'ai changé de place. Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire donner le livre de front? C'est le monde qui doit. Le client. Tu sais, c'est facile. Tu arrives un vendredi, un gars s'en vient te voir ou quelqu'un que tu connais, qu'il t'en. Il te demande d'y emprunter, là, mais tu appelles ça un front, là. Oui. OK, un 3-4 grammes. Mais à oui. 3-4 grammes, c'est facile de 200-250. Oui. Donc, lui, ah, il commence, ça. Là, il est venu te voir à 10h, là, il paye la traite à ses chums, là, il vient te revoir, bah, ah oui, donc, un 2-3, là, tu t'écoutes, là. Puis le gars est allumé. Donc, tu sais que une personne allumée, c'est comme violent un peu, là. Mm. Donc, tu t'arranges pour pas que... diplomate un peu, là. Mm-hmm. Là, tu arranges. Ben là, les comptes de 2, 3, 4, 5 000 piastres, ça vient vite. OK. Donc, Puis vous aviez ça dans votre petit livre, vous marquez ben oui. Ça, là. Ben oui, j'en avais au-dessus de 75 000, puis j'avais un collecteur. Ça fait trop longtemps. Quelqu'un bon. Qui travaillait pour vous. C'est ça. Ouais. Bon, Daniel, oui. Il est important que je vous pose une question. Oui. Avez-vous déjà vu un collecteur qui n'est pas armé? Non. Bon, là, il y a beaucoup de policiers qui nous écoutent, là. C'est important. C'est important. Tous les collecteurs de comptes de drogue portent une arme à feu. Oui. Avez-vous bien compris, les polices, là? Pareil comme... Fait quand vous faites une descente en quelque part puis que vous soupçonnez un trafiquant de drogue, il est nécessairement armé. Oui, parce qu'il va y avoir des pourris, là, qui sont allumés, OK, qui ont pris de la dope, puis qui vont aller essayer de te voler ou te sacrer un coup en arrière de la tête, n'importe quoi, pour te voler. Les autres, ils savent plus ce qu'ils font, c'est des junkies, là. Okay? Donc, les autres, ils s'en balancent, là. Ils savent pas ce qu'ils font. Mm-hmm. Alors, pour les policiers qui n'ont pas encore écouté des trafiquants de drogue ou des individus comme Daniel qui témoignent, je vous le dis, tous les collecteurs de drogue sont armés d'un gun. Et tous ces guns-là, ça ne sont jamais enregistrés. Non. C'est la seule affaire que si t'es bien coté, là, si moindrement tu connais un policier, parce que moi, j'ai acheté ma dope, on va dire, pas d'un trafiquant, mais d'une personne professionnelle. Fait que, quand t'arrives, t'achètes un gun, dans le temps, on achetait ça dans le Chinatown, quelque chose du genre, tu tires avec, tu prends ton projectile, puis là, tu l'envoies, tu vas faire analyser la balistique. Voir s'il n'y a pas comme un meurtre là. Puis si on t'arrive, non, il est clean, mais il n'est pas enregistré, mais ben là, tu le gardes, ça va. Mais ben, tu vas arriver que le gun n'était pas clean. Donc là, tu l'achetais carré, là, tu l'envoyais dans le fleuve. Et qui fait l'analyse balistique? C'est le domaine où ils ont tous les outils, tous les ordinateurs pour savoir les lignes et tout. Là. Oui, mais quel service qui fait la police. Bon. Le service de police va analyser la balle. Oui, pour savoir si ce gun-là a déjà été utilisé pour tuer quelqu'un. Oui. Si une balle avec des rainures similaires n'a pas déjà été retrouvée dans un corps. Mais oui. C'est ça. C'est ça. Mais il faut que cette arme-là ait été enregistrée puis récupérée dans le circuit illicite, non? Je comprends pas, là. Règlement de compte. Après un règlement de compte. Je n'étais pas habitué dans le monde interlope. Je ne fréquente pas tellement, non. Non, mais puis, il faut que les policiers... C'est une femme, c'est une très bonne femme, mais dans les affaires interlopes, là, c'est pas son fort. Bon, alors, amusez-vous. Rien pour rien, là. On s'est bien compris, Daniel. Oui. J'espère que les policiers à l'écoute ont bien écouté aussi. Puis ça, là, la poudre, là, OK, quand tu sniffes, t'es un prédateur. Là, faut pas se leurrer là, puis t'es un enjôleur, t'es un contenementerie au pluriel, là. Oui. OK, t'es un prédateur, là. J'ai vu ça, là, arriver, puis commencer à sniffer, puis dire à la demoiselle que je voulais, là. OK, non, elle n'a pas question, t'attends ma sniff. Bon, t'es chez vous, là. Là, t'en mets ta table du salon, là. Faites deux tracts, là, viens. Non, c'est fini, là. Comment ça? Mais quand t'as mis ta robe à terre, là, pour aller prendre. Bon. 5 minutes max, c'est à fait. Parce qu'elle avait besoin de sa dose. Oui, la poudre, là, c'est ce qu'il y a de plus mortel. On ne croit pas. Un drogué, ça, c'est pas vrai. OK? Puis, le seul temps que quelqu'un va pouvoir arrêter, puis aller chez les drogués anonymes, hein, qui disent l'estime de soi, tout, là. OK? Puis que t'arrives, tu sors, là, puis t'arrives à un party, là, c'est là, t'as du fun et tout, tu vas te remettre le nez dedans. Alors, Daniel, merci beaucoup de votre témoignage. Au revoir. Merci beaucoup. Un gros merci, bonne fin de journée. Bye-bye. Ça va en avoir éclairé une coupe. 1967, l'année de l'Expo. 40 ans déjà.

ça l'a transformé nécessairement ma vie, là. Mm-hmm. À combien de reprises, Stéphane, vous avez tenté d'en sortir? Puis avez-vous, peut-être vous n'avez pas tenté, là? Non, c'est la première fois que j'essayais. Première fois après 10 ans? Ouais. OK. Là, j'ai 25 ans, j'ai commencé ça dans les alentours de 15 ans. Puis comme vous dites souvent, la banalisation du pot, hein, nous autres, on fumait notre petit joint. Fait que c'était pas grand-chose qu'on se disait, mais ça mène à une chose et une autre. Fait que pour mon cas, à moi, je me suis rendu jusque dans Freebase. Puis les comportements que j'ai eus, c'était assez... j'ai fait du tort. Vous avez fait du tort? Ouais, j'ai fait du tort, c'est sûr. Je sais autant que je peux de réparer ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Expliquez-vous. Ben, c'est sûr que, comme vous dites, on devient menteur. Moi, je suis devenu menteur. Je suis devenu menteur, manipulateur, voleur, name it, là, je l'ai fait pour obtenir la substance, pour passer rapidement de mon plaisir à mon désir, là, ou l'inverse, en tout cas. Vite, là. Parlez-nous des vols que vous avez faits. Les pires vols, les plus gros vols, c'était quoi? Ah, c'est dans mon entourage, puis pour moi, c'est les pires. C'est-à-dire, j'ai pas volé une banque, j'ai pas volé un dépanneur, je me suis pas rendu là, mais j'ai trahi des gens que j'aime beaucoup. De quelle façon? La carte de ma femme, ça, c'est... Pardon? La carte de ma femme. Mm-hmm. C'est-à-dire? Ben, on se fait confiance après un certain nombre d'années, hein, fait que le NIP, je l'avais. Puis la carte, je l'avais, fait que je sortais avec la carte, puis mon maudit, t'as pris ma carte, pourquoi tu l'as pris, puis on s'invente une raison, puis on essaye de renflouer l'argent le lendemain matin avec quelqu'un d'autre, puis la roue, elle tourne comme ça. Oui, donc très, très proche, puis vos frères, vos frères, soeurs, parents, peut-être aussi? Oui, ma mère, oui. Arrivée chez ma mère à des heures pas possibles, puis ce qui est fou là-dedans, c'est que je me suis jamais rendu compte que j'avais l'air en manque devant elle, là, tu sais, parce que moi, ce que je veux, c'est ma dope, pis tout, pis je me rends pas compte, j'ai un visage de mort vivant, pis j'y mens éhontément dans le visage, prétextant des faux prétextes pour avoir de la drogue, pis avoir de l'argent. Pis des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais beaucoup de manipulation, pis de chantage émotif, tu sais. Comme, écoute, ils vont me briser deux jambes, je sais pas, moi... OK. Ça, vous leur fait... Vous disiez à vos proches que vous étiez menacé de vous faire casser les jambes, puis à ce moment-là, eux passaient l'argent pour vous éviter. Ça! Ben, à ma mère. À votre mère. Ça, c'était... OK. Parce que à chacun son front, puis à chacun sa menterie, hein, parce que la relation de mensonge avec ma mère est pas la même qu'avec ma femme, par exemple. Mm-hmm. Parce que ma femme, j'ai l'air d'un gars plus régulier, plus débrouillard, je peux pas aller dans ma tête de drogué à ce moment-là, je peux pas aller jusqu'à cette menterie-là. Fait que ça va être des choses plus banales. Mon truck de compagnie est brisé, j'ai eu besoin d'argent rapidement, tête à coucher, j'ai pris ton argent, je te rembourse ça demain, j'en parle à mon patron. Mais ça, c'est toutes des choses qui... Vous ajustiez vos mensonges suivant les personnes. Ah oui. Oui, alors ça en est de la manipulation. C'est dans le raffinement du mensonge. Ah, ouais. Un expert là-dedans. Puis, je me rends compte aujourd'hui que chaque petit comportement que je peux avoir de mon ancienne vie, que ce soit vite, là, que ce soit aller dans un bar, jouer au PlayStation, boire des boissons énergisantes, mentir, ce sont tous des comportements qui me ramènent à un craving, à une envie pour ceux qui comprennent pas. Fait que j'essaie comme que je peux aujourd'hui là d'améliorer ma façon d'être là, mais d'essayer de me mettre dans le cœur là avec des comme Dr Mailloux dit des plaisirs simples, des choses simples, garder ça simple, puis essayer de nettoyer mes relations là. Oui. Là je suis là parce que c'est un bébé là, j'ai six mois de rétablissement. Ouais. Là. Ouais. Stéphane, moi je me considère comme un drogué, puis je vais me considérer comme un drogué longtemps. Mm. Puis c'est en me mettant ça dans la tête à tous les jours que ça va me tenir loin de la rechute. Je vois pas dans le futur, là, mais je me sens bien aujourd'hui, là, Stéphane, en étant honnête avec moi-même. Vous avez parlé, vous avez mentionné être un bébé. Oui. Est-ce que vous étiez un bébé à 15 ans? Ah oui. Racontez. On va parler de moment. Indépendamment du fait que je l'aime beaucoup, là, ma mère, Ce que je vois de mes patterns d'enfance, là, ma mère m'a protégé beaucoup. La façon la plus simple que je peux vous le raconter, c'est exemple, si j'avais quelque chose à faire quand j'étais jeune, j'ai remarqué très rapidement que je pouvais être crosseur dans le sens que ma mère, exemple, j'ai une recherche à faire sur les baleines. Puis je la fais pas. J'ai annoncé à la dernière minute un sanglot. Puis quand je me réveille le lendemain matin, la recherche sur les baleines avec des dessins infantiles se retrouve sur la table de la cuisine et c'est pas moi qui l'ai fait. Elle était faite. Elle était faite par votre mère pour vous sauver la peau. Et voilà, dans toutes les situations. Fait que ça, c'est quelque chose que si je m'en rends pas compte aujourd'hui, je retombe là-dedans facilement parce que c'est dans mes comportements intrinsèques puis ça m'a libéré. Stéphane, j'ai des défauts de caractère, ça revient. Êtes-vous fils unique? Est-ce que je suis quoi? Êtes-vous fils unique? Non, même pas. Même pas, mais... Combien d'enfants chez vous? Il y a ma soeur qui est un an plus jeune que moi. J'ai un petit frère de 6 ans. On a 20 ans de différence. Ouais. Ouais. Stéphane? Oui. Vous avez mentionné que votre maman, vous l'aimez beaucoup. Ah, que je l'aime. Elle m'a sorti du tout, mais on comprend-tu? J'ai l'impression que votre maman vous aimait beaucoup. Un petit peu trop. J'ai failli devenir le petit mari à un certain moment donné. Vous êtes devenu le petit mari. Ben oui, je suis de. Ouais, ok. Vous avez été. Je suis devenu le petit mari, ouais. Vous avez failli redevenir. Vous l'avez été, puis solide. Oui, je l'ai été. Ben, ça ne veut pas dire que. Ça veut pas dire parce que je constate ça que j'en ai de besoin, puis que j'ai le goût de ça aujourd'hui, là. Exact, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais je le constate, tu sais, il faut que je sois honnête, parce que sinon j'avancerai pas. Et là. Vous n'avez que 25 ans? Oui, puis je suis content de m'être tapé le nez sur le mur. Non, attendez, wow. C'était peut-être pas nécessaire. Passer par la drogue pour se sevrer de l'amour exagéré de sa mère, de l'attachement édipien de... renversé de la mer, je pense pas que ce soit tellement sain, là. Mais pour réaliser tout ça, Stéphane, il fallait décrocher. Ça fait juste 6 mois que vous avez réalisé tout ça? Maintenant. Allez en thérapie, là, premièrement. Oui. Maintenant. Moi, là, attendez un petit peu. Je vais vous laisser avec votre maintenant. Je veux juste ajouter, parce qu'on parle beaucoup de désintox depuis tantôt. Oui. Pour moi, ça, c'est bullshit. OK? Bullshit. Désintox, c'est bullshit. Bullshit. Ça donne, pour moi, là, ça ne donne que le manque de d'y retourner. Puis, faut aller chercher hein, quelque part. Hein. Je pense pas qu'on devient psy en n'ayant pas confiance en nature humaine de s'améliorer. Là. Thérapie, oui. Boire contrôlé, jamais. Puis désintox, bullshit. Bon. Revenons, vous avez été petit mari de maman. Ben oui. Est-il possible que vous le soyez encore? Ouch, hein? Pas fin, Mayou, hein, Stéphane? Non, il est correct. C'est des questions que j'ai besoin de me poser, ça. Ouais. Bon, alors... Et on examine la relation avec ma femme. OK? Ouais. OK, excellent. Bye, Stéphane. Merci, bonne journée. Salut. Ne pas lâcher. Oh là là. OK, alors on fait la pause et on revient. On va parler à Marc dans tantôt, en espérant qu'il va être encore là. Dis-moi que c'est pas vrai que Guillaume Latendresse écoute Céline Dion. C'est ce qu'on nous a dit. C'est dans une entrevue. Céline Dion, il aime aussi. Il a fait venir le coffret de Linda Lemay, donc il met son linge en sécheuse, puis ta. Il écoute ça, c'est une là. Écoute, notre homme est un sensible. C'est pas un viril. Pourtant, ça brase un coin de bande, me disait. Mais dans le fond, c'est un sensible. OK. Non, mais tant mieux. Tu sais, Guillaume est sensible. Zone sportive. D'info 800. En semaine, dès 16h. Nous sommes vos yeux. Avec la plus grande salle de rédaction de Québec, tous médias confondus. Nous sommes vos oreilles, avec une équipe de rédaction de 119 personnes, dont 87 journalistes, chroniqueurs et éditorialistes de la capitale. Nous sommes votre voix, avec plus de 1600 lettres de nos lecteurs publiées dans nos pages chaque année. Nous sommes votre quotidien de Québec, avec plus de 110 ans de nouvelles d'ici. Nous sommes le soleil. Pour vous abonner, composez le 686-3344. Vivre le deuil d'un proche est une épreuve difficile. Il faut surmonter sa peine, s'assurer de respecter les volontés du défunt et faire face aux formalités telles que la succession. L'équipe de Claude Marcoux peut devenir votre meilleur guide conseil. Claude Marcoux, une équipe expérimentée, compréhensive, près des familles depuis plus de 100 ans. Un service complet d'excellente qualité. Claude Marcoux Limité. Respect, compassion et présence auprès des familles. 839-88-23. www.claudemarcoux.com. Joanne Verdon nous parle de la crème Plexus. Le plexus solaire, vous connaissez? C'est un important réseau de nerfs situé juste au-dessus du nombril. Quelques séances de massage du plexus solaire avec la crème Plexus vous aideront à rester zen et à prendre ça un peu plus cool. La crème calmante Plexus aux huiles essentielles inoubliables. Vous trouverez la crème Plexus dans les espaces Santé Beauté Joanne Verdon ou encore chez Ferti 2000 au 1-800-272-1365. Un nouveau-né dans la famille, le plus beau cadeau qui soit. Quel bonheur de promener le petit amour en poussette pendant de longues heures. Ne laissez pas la douleur gâcher pareil moment. Chaussez-vous à la clinique du pied Équilibre. Nos orthèses plantaires 3D sont conçus par ordinateur, assurant ainsi une distribution précise des points d'appui du pied. Nous utilisons plus de 30 matériaux différents dans la fabrication de nos orthèses. Pour vos longues marches en famille, nous avons la solution. L'évaluation est sans frais et le coût des orthèses est souvent remboursé par les assurances. Clinique du pied Équilibre, ça marche. 683. À une minute des chutes, juste à côté du nouveau JD Dodge Chrysler Jeep, c'est le nouveau JD Suzuki. Hey, ça fait un mois qu'on est là et franchement, ça va super bien. Suzuki, c'est la voiture la plus vendue au Japon et la raison se trouve derrière le volant. Alors venez donc satisfaire votre curiosité. Venez essayer nos grands Vitara, nos SX4, nos XL7 et pourquoi pas la petite Swift à 11 395 $. Au nouveau JD Suzuki, c'est sûr qu'on va vous étonner par notre capacité de vous convaincre qu'il vaut mieux faire affaire avec nous. À une minute des chutes, au 822-2121 Suzuki, un mode de vie. Info 800. Météo. Aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 12. Ce soir et cette nuit, dégagé avec un minimum de 0 degré. Jeudi, c'est ensoleillé avec un maximum de 13. Vendredi, samedi, dimanche, du soleil également. Maximum de 14 pour vendredi, un maximum de 15 degrés pour samedi. Et finalement, pour dimanche, un maximum de 16 degrés. Info 800. Québec. Bienvenue dans la zone nouvelle d'Info 800. Info 800. Information. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Ici André Proulx. Il est 15h45 et le mercure indique 12 degrés. La croissance économique sera l'obsession de Mario Dumont dans son rôle de chef de l'opposition officielle. À quelques jours du début de la nouvelle session parlementaire, M. Dumont prévient le premier ministre Charest qu'il n'entend pas diriger une opposition jovialiste, mais plutôt surveiller de près le gouvernement pour qu'il mette le cap sur la croissance économique. Alors qu'il prononçait une conférence devant les membres de la Jeune Chambre de Québec, ce midi, M. Dumont s'est aussi fait le champion d'un contrôle rigoureux des dépenses gouvernementales et de la dette. Malgré une augmentation notable des admissions dans les facultés de médecine, il y aura 87 places vides pour la prochaine série de formations spécialisées en juillet. Une des causes de ce déficit de praticiens, le phénomène nouveau des jeunes qui partent terminer leurs études ailleurs. Pour tenter de trouver le pourquoi exact, la conférence des recteurs des facultés de médecine lance une consultation, mais déjà on sait que les obligations imposées aux jeunes médecins combinées à un salaire moindre en stimulent plusieurs à partir. Pour le président des recteurs, le docteur Régent Hébert, le gouvernement a aussi son bout de chemin à faire et il se contente de demander aux universités de faire plus, mais avec un budget diminué. C'est une coupure extrêmement importante, ça veut dire 2,5 millions pour les universités, les facultés de médecine québécoises. On nous dit qu'il va falloir faire un effort supplémentaire en nous coupant 40 % de nos ressources. C'est un petit peu difficile à saisir comme paradoxe. Un enfant sur deux au Québec n'est pas en sécurité lors de ses déplacements en voiture. Même si les enfants sont installés dans de bons sièges d'auto, il n'en demeure pas moins que 54 % des cas, le siège est mal fixé à la banquette du véhicule ou l'enfant est mal attaché au siège d'auto. Selon Joanne Saint-Cyr de la Société de l'assurance automobile du Québec, un siège d'auto bien utilisé peut réduire jusqu'à 70 % la probabilité de décès ou d'être blessé gravement. Chaque année, au Québec, près de 1300 jeunes enfants de 9 ans et moins meurent ou sont blessés lorsqu'ils sont passagers d'un véhicule routier. En 2006, 7 enfants sont décédés, 59 ont été blessés grièvement, 1192 blessés légèrement pour un total de 1258 victimes. Le lancement du réseau provincial permanent de vérification de sièges d'auto pour enfants veut sensibiliser sa clientèle sur le service d'installation annuel dans toutes les régions du Québec. La remise des gros bacs par la Ville de Québec se fera dans le secteur de Beauport au cours des 4 prochaines semaines. Ces bacs de récupération roulants sont distribués aux résidences et aux immeubles de 12 logements et moins. La Ville de Québec en a acheté 120 000 au coût de 7 millions de dollars. La dépense sera répartie sur les comptes de taxes durant 3 ans. Un bris d'aqueduc s'est produit à Saint-Augustin. Les résidents des rues du secteur Place Portneuf doivent faire bouillir l'eau avant de la consommer. Et la programmation des activités qui marqueront l'inauguration officielle de la route verte cet été a été présentée à bord du traversier Québec-Lévis aujourd'hui. L'aménagement de l'itinéraire cyclable de 4000 km a duré 12 ans. C'est ce qui complète nos informations à Info 800, station du groupe Corus Québec. Une station du groupe Corus Québec. La radio AM, les nouvelles et les sports à Québec. Vous écoutez Mayou à l'écoute en rediffusion. S'il vous plaît, nous vous demandons de ne pas appeler. Alors aujourd'hui, ce dont il a été question, c'est est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un qui s'est drogué pendant des années, qui rechute, mais qui essaie de s'en sortir? Combien, quand t'es proche, t'es son patron, t'es un collègue de travail, tu donnes de chance? Alors on va à Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Oui, bonjour Marc. Ça va bien? On vous écoute. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai été en thérapie. Oui. C'était dans le temps des fêtes l'année passée. Oui. J'ai essayé souvent d'arrêter par moi-même. De prendre de l'alcool puis de la drogue. Mm-hmm. J'ai pris à peu près toutes les sortes de drogues qu'il y avait à prendre, sauf je me suis jamais injecté de la drogue dans les bras. Okay. Puis, sur ça. Combien d'années, Marc? À peu près une quinzaine d'années. Mm-hmm. Je dois avoir commencé, j'avais 14 ans, puis c'est ça, là, je suis rendu à 32 ans. Mm-hmm. Puis c'est ça, l'année s'est quand même bien passée. J'ai presque sorti de là, ça a pris à peu près 8 mois avant que je prenne une goutte d'alcool. Puis ça a commencé, j'en ai pris 2-3 bières pour commencer, 2-3 fois. Puis c'est ça, là, après ça, justement, j'allais à l'école. Dans ce temps-là, je suivais un cours. Puis c'est ça, je suis sorti de mon cours, j'ai travaillé un peu. Après ça, j'ai été slacké pendant le temps des fêtes. Oui. Puis c'est ça, j'ai pas retravaillé depuis ce temps-là. Puis là, 3 semaines, ben j'ai eu une bonne rechute. J'ai pris 2 bouteilles de vin en dedans d'une demi-heure. Je ne sais pas pourquoi. Puis je me suis ramassé que j'étais après me voler dans une maison. Puis je me suis fait pogner par la police puis tout. Puis c'est ça. Expliquez plus clairement qu'est-ce que vous faisiez dans la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben, j'ai été volé un bicycle à pédale. Puis sérieusement, c'est même pas pour l'argent, 3 heures du matin. Vous êtes allé voler un bicycle à pédale en plein hiver? En plein hiver. Oui. Ah, je me souviens à peine de la soirée, qu'est-ce qui s'est passé. Mm-hmm. C'était chez un voisin. À quelle distance de là où vous étiez, vous êtes allé voler le bicycle à pédale? Ah, vraiment pas loin. C'est un voisin. Vraiment pas loin. Vous y êtes allé à pied? Oui. Mm-hmm. Puis c'est ça. Là, depuis ce temps-là, ben, j'ose pas vraiment sortir non plus de chez nous. Mm-hmm. La honte est là. Oui, avec raison. Ah, très grosse raison. Là. Je me réveille au poste de police, les policiers me demandent qu'est-ce qui s'est passé. Ben, je ne sais pas vraiment. Ça. Mm-hmm. Puis avant, vous aviez jamais eu. Je peux pas dire que je me souviens pas de rien. Ça, c'est pas vrai. Mm-hmm. J'ai des flashs, mais je sais pas pourquoi j'ai été faire ça. Wow. Mais avant, est-ce que vous aviez eu des démêlés avec les policiers pendant les 15 années où vous avez. C'est arrivé deux fois. Deux fois. À peu près une douzaine d'années. C'est encore la même affaire, c'était un vol. Puis aussi, j'avais fait pousser du pot. Mm-hmm. Parlez-nous du bicycle à pédale. Oui. Bicycle à pédale, je sais pas, c'était bien normal, le bicycle à pédale. Sérieusement, ils ont suivi mes traces dans la neige. Parlez-nous du bicycle à pédale. Mais là, le bicycle à pédale, je sais pas quoi dire, c'est le bicycle à pédale. Il était tout à fait. C'est un bicycle à pédale bien normal, là, d'une centaine de 200 $ gros max que ça valait. Là. Oui. Puis, c'est ça. Quand j'ai vu le bicycle, ben, je l'ai pris puis je partais avec. Il y avait plein d'autres choses qui avaient beaucoup plus de valeur que j'aurais pu prendre. Puis, je n'en doute même pas. C'est pour ça qu'il s'en souvient. Bon, alors, j'ai pris le bicycle, continuez. Puis, c'est ça, je partais avec. Oui. Puis, c'est ça. Là, sûrement la personne va s'avoir réveillé. Non, vous êtes allé où avec le bicycle? Directement chez nous. Oui. Je l'ai mis dans le garage chez nous. Oui, racontez. Là, c'est ça, je l'ai mis dans le garage chez nous. Puis là, la police est arrivée devant chez nous. Mm-hmm. Ils ont suivi les traces. Ça. Puis ils sont rentrés chez nous. Parlez-nous du bicycle à pédale. Mais là, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le bicycle à pédale? Tout. Je sais pas, là, c'est un bicycle tout à fait normal, là, que n'importe qui peut aller s'acheter dans un magasin. Vous l'avez mis dans le garage? Oui, c'est ça. Vous vouliez en faire quoi, du bicycle à pédale? Je voulais le vendre, sûrement, pour avoir de l'argent. Pourquoi vous dites le vendre sûrement? Ben, parce que je suis pas sûr que... Ouais, je sais même pas pourquoi j'ai été chercher ça. Merci, gardez donc! Je sais même vous dites pourquoi. Vous-même le vendre sûrement? Oui. Oui, c'était sûrement pour avoir de l'argent, c'est sûr, pour aller reconsommer. Mais à 3h30 du matin, j'aurais pas pu le vendre. Ouais, ça marche pas, patente, là. Non, c'est ça. C'est ça, je sais que ça marche pas. Puis il y avait des objets bien plus de valeur qu'un bicycle à pédale. Oui. En plein hiver, un bicycle à pédale, ça se revend pas. Voyez-vous quelque chose de symbolique là-dedans, Pierre? À part de le vendre pour 20$, là. Ben voyons, Janine, je comprends. Vous voyez quelque chose de symbolique. Ben là, c'est quelque chose de symbolique qui origine de l'inconscient. Faut pas avoir étudié ben longtemps à l'université pour pressentir quelque chose. Alors, on va clore ça comment? Il reste une minute, Pierre, à l'émission. C'est intéressant, Marc, là. Marc, oui? Je l'aime, votre bicycle à pédale. Vous l'aimez, mon bicycle à pédale? Oui. Et je serais honoré si un de ces vendredis, soit le vendredi qui vient ou un autre vendredi, vous nous rappeliez et qu'on parle du bicycle à pédale. Du bicycle à pédale. Ça marche-tu, Marc? Oui, mais... Rappelez-nous, vendredi. Pourquoi qui trippe sur le bicycle à pédale? Vous allez le savoir. On va chercher ensemble pourquoi je trippe sur le bicycle à pédale. Okay. Allez-vous nous rappeler vendredi? Parce que c'est pas anodin de voler un bicycle à pédale en plein hiver à 3 heures du matin. Parce que même si on s'est drogué pendant des années, on a un inconscient, Pierre. Hein? Merci, Marc, s'il vous plaît, rappelez-nous. Merci. C'est beau. Merci, Janine. À demain. Bye. Bye. Info 800 veut savoir. Répondez à la question du jour. On vous demande aujourd'hui quel événement du 400e de Québec voulez-vous le plus? Visitez info800.ca, le site de la radio des nouvelles et des sports à Québec. Êtes-vous incommodé par vos bouffées de chaleur? Si vous êtes une femme ménopausée souffrant d'épisodes de bouffées de chaleur modérées à sévères, vous pourriez participer à une étude clinique pour un médicament de recherche non hormonal pour soulager les symptômes associés à la ménopause. Pour plus d'informations, contactez nos infirmières au 951-0001, 951-0001. Pour plus d'informations, contactez nos infirmières au 951-0001, 951-0001. Info 800 veut connaître votre meilleure anecdote de pêche. Pour célébrer l'arrivée de la belle saison, nous avons préparé un assortiment de cadeaux pour la pêche valeur de 500 $ offert par la boutique Passion Chasse et Pêche de Beauport. Racontez-nous votre meilleure histoire de pêche sur la page concours à info800.ca. Équipez-vous pour la pêche grâce à Info 800 et la boutique Passion Chasse et Pêche de Beauport. Avec tout achat de 75 $ on vous donne une canne à pêche gratuite valeur de 40 $ Passion Chasse et Pêche, les vrais experts. 415 Clémenceau à Beauport. Redessiné et avec son nouveau moteur V6 4 litres de 255 HP, la nouvelle Chrysler Pacifica combine